Salut tout le monde et bienvenue à cet épisode numéro 6 de La Jazette, propulsé par Young Media, édition du 27 mai 2012. Au micro, Jean-François Cron, accompagné de son co-animateur David Thibodeau. Bien le bonjour. Salut David, ça va bien? Oui, toi? Ouais. Et aujourd'hui, on a notre... On a un invité. Notre tag explicite sur iTunes, comme toujours, mais aujourd'hui, il prend tout son sens, ce tag-là. On reçoit Guillaume Como. Bonsoir. Salut Guillaume. Bonsoir. Ça va? Ouais, ça va. Merci de t'être déplacé rapide. Pour cette belle jazette. Ah, moi, être dans le trafic, j'adore. C'est tout le temps le fun, traverser les ponts, puis... C'est agréable. C'est le fun. Pas me perdre de temps du tout. Si j'aurais un canot, je pourrais le faire, mais honnêtement, c'est la marche après ça du pont à venir ici qui est vraiment chiant. Puis t'es venu avec Communauto? Ouais, Communauto. Ça marche comment? Shout out. Ça marche comment cette histoire-là? Tu t'en vas en ligne sur communauto.ca.com ou moi j'appelle ça Communauto sur Google, vous t'en êtes sur le site web. Aussi bien. Puis tu t'abonnes là-dessus, puis donne une grosse clé métallique que je vais vous montrer. Toujours très. Une grosse clé. Très pertinent pour un podcast audio. OK, alors on parle de grosse clé. C'est une grosse clé. Une grosse clé, puis dans le fond, il t'envoie à certaines places, je vous dirais, c'est pas mal plus central, à Montréal. À Brossard, il y en a une coupe, à Laval, comme même affaire, dans les places comme Montmorency, métro Longueuil, je sais qu'il y a une coupe de parking là, mais dans le fond, c'est vraiment quelque chose pour le monde, je dirais les Montréalais précisément. Puis tu payes, t'as plusieurs plans, puis tu peux payer des frais d'abonnement, mais... Si tu es prêt à faire comme que j'ai fait, tu as un exemple, ils ont une promotion que quand tu prends la carte Opus, que moi je vais prendre à tous les mois anyway, prendre le métro puis l'autobus. Ouais, à Montréal. Si tu prends la carte Opus puis Communauto en même temps, tu n'as aucun frais d'adhésion. Fait que moi, ça me coûte 0$ être abonné à Communauto du tout. Je paye mon assurance qui est 40$ par année. Okay, ouais. Puis si ça me tente d'utiliser une voiture, ben, ça va peut-être me coûter 20$ comme aujourd'hui. Ah, mais c'est si j'utilise pas de voiture, ben, ça me coûte fuck all parce que j'ai pas de frais par mois. C'est un beau service pareil, ça. Ouais, c'est tranquille. Comme c'est exemple, je voulais venir pour la podcast, fait que je suis allé genre mercredi, je suis allé mettre ça en ligne, puis booker ma voiture. Faut juste que tu penses tes déplacements d'avance, par exemple. C'est ça. La fin de semaine, tu peux pas te lever un samedi, moi je vais avoir à la plage. Ouais, non, c'est ça. C'est comme tu peux y aller, mais tu vas prendre l'autobus. Sinon, tu t'attends un lift. Puis là, t'es venu avec une belle petite Yaris, là, fait que ça coûte pas cher. C'est pas mal toutes des Yaris. C'est évident qu'ils ont un deal avec Toyota. Tu peux payer un 15% d'extra pour une Matrix. Oh, ouais. Pour justement, c'est le monde-là qui va aller à la plage. Si t'as plus de stock, ouais. Ouais, donc épisode numéro 6. Ben, coudonc. On divague déjà. On divague déjà, puis on faut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de préparation, on n'a pas de sujet de prévu, donc ça va être freestyle. Ben, on sait un peu de quoi on va parler. On sait un peu, on peut vous dire déjà qu'on va parler un peu de la défaite de Lucien Bouté d'hier. Arrête, il a quasiment gagné. Il a quasiment gagné, ça, c'était proche. On va revenir là-dessus tantôt. Puis, un peu de dirt aussi, là, puis de sortes d'affaires. Là. Mais avant de commencer, vous autres, quoi de neuf? Ben, moi, JF. Écoute, t'es allé. On parlait la semaine passée de dentiste. Tu parlais de dentiste. Ouais, les frais de dentiste de fou. Moi, t'es allé m'acheter des lunettes. On en est parlé un peu la semaine passée, vite fait, mais c'était plus par rapport aux crises de malade. Le fou qui t'a gueulé après. Tu m'as gueulé après. Mais j'étais allé chez l'optométriste. Ben, j'étais allé chercher mes lunettes, dans le fond. Acheter des lunettes. Ça et tout, c'est cher. Tabarnak. On parle du soleil ou pour la vue? Non, des lunettes de vue, là. OK. C'est cher. Hey, ça m'a coûté. Tu sais, tu parlais là, d'hypothéquer ton été, là. Ça m'a coûté 850$ de lunettes. Là. Pour moi et ma blonde, là. Quand même. C'est ça. Ah oui, tu faisais une respiration comme Call of Duty que ouais, on disait tantôt. Half surpris, half gold dust. Half surpris. On parlait de ça tantôt. Là. On reviendra sur les respirations. Les respirations aussi. Dans des micros. Mais ouais, c'est ça, c'est cher. C'est cette hypothèque est. C'est sûr que... 850$, le bing, bang, boom. Puis tu sais, pas d'assurance pour ça. T'sais. Les assurances payent les dents, mais pas les lunettes. Ouais, t'es encore chanceux que t'as les assurances qui payent les dents, moi, te dire. Ouais, c'est ça. T'as pas un genre de plan de bénéfice à ta job que si tu paierais un peu plus par année, exemple, t'aurais genre un bonus de cash? Ben, en fait, c'est l'assurance à ma blonde, mais oui. Puis on l'a calculé. Ça nous revient plus cher par année de prendre cette option-là que d'acheter nos lunettes. T'avais la pelule avec le 850. C'est ça. Là, parce que tu peux... Tu sais, quand tu le prends, ça, souvent, tu vas le laisser sur plusieurs années en plus. Là. Fait que un an, puis tu payes plus que tes lunettes, dans le fond. Wow! Fait que c'est ridicule. Fait qu'on a fait comme fuck off. J'ai jamais su que c'était vraiment aussi cher que ça. Les lunettes, c'est intense, ça, sérieux. Ouais, mais là, c'est un. Tu sais, Farah, c'est un genre un 3 pour 1. Ben, c'est même pas un vrai 3 pour 1. Là. C'est de la crosse, dans le fond. Tu payes tes lunettes plus chères, là, tu sais. Ok, dans le fond, ils raise les prix, mais dans le fond, dans le 3 pareil. C'est à ça. La fin, là. Mais ça revient quand même. Peut-être un peu moins cher que si t'achètes trois paires de lunettes séparées. Là. Mais en fait, c'est pas trois paires de lunettes, c'est genre, je pense, deux paires de lunettes, puis verre de contact ou lunettes soleil, genre. Non, c'est pas pire. Le gros frère. C'est qui rassure. Toujours aller chez Costco. Ouais, mais il est mort. Je sais, c'est pour ça que je dis ça. C'est même plus, ça appartient même plus. En plus, celui-là à Saint-Jean, il appartient genre au gars qui fait les Easy Clips. Fait que c'est comme lui qui a comme racheté ça. Il fait quoi? Les Easy Clips, tu sais, les lunettes avec des clips. Là. Ouais. Le monde qui se met une clip d'extra, là, puis là, ils peuvent conduire sur le soleil. Ouais. Sur le soleil. Sur. Ouais. Dessus. On the moon. Ben pratique, hey, c'était une belle histoire, ça, Dave. Ouais. Ça coûte cher. Coûte cher. Pas facile, la vie. Non. Protégez vos yeux. Ouais. Ben moi, écoute, m'a dit cette semaine quoi de neuf dans les boîtes encore, puis... Peut-être qu'on s'entend au micro, là, mais la pièce est peut-être plus écho qu'à l'habitude parce qu'il n'y a plus rien. Stock, ouais. Il n'y a plus grand-chose dans... dans non, on dirait vraiment quelqu'un genre est venu chez vous, a décidé de le voler, mais il a trouvé que tu n'avais pas bon goût et qu'il a laissé tes posters-là. Genre, mais c'est comme c'est totalement une bite, ce gars-là, numéro un. On s'entend que c'est un voleur fictif, là, fait que c'est pas bien grave. Ouais, non, c'est pas vrai, voilà. Mais au moins, il m'a laissé mon corps de Return of the Jedi. Ça, c'est bien. Lui, il a décidé que lui, Jack Nicholson puis Star Wars, c'est pas dans ses goûts, mais le reste, il a tout pris. Puis il a laissé l'ordi aussi. D'après moi, honnêtement, c'est le gars de Clockwork Orange, Cliff Head Free. Il partait pas. On parle de l'ordi, on a failli pas pu faire le podcast aujourd'hui à cause de problèmes techniques d'ordi samedi matin. Tu sais, quand tu te lèves un beau samedi matin, il fait chaud, tu te fais « Oh, je vais clencher des montages vidéo, puis m'a joué un peu à Diablo, puis tout, puis ton ordi part plus, là, il est sur un écran noir, puis il y a un petit affaire blanc qui clignote, là, un petit curseur. » Ouais. Puis il se passe rien, puis t'as pas d'autre ordi pour t'arranger. Tu là, passes pas une bonne journée. C'est bon signe, là, tu sais. On dirait vraiment le résumé d'un épisode de Fais-moi peur. Ouais. C'est ça qui est écrit derrière les romans. C'est comme tu te lèves, t'es bien, là, tu veux jouer à Diablo, t'arrives, ton ordi part pas. T'es vraiment à chienne, ça part dans un épisode d'une demi-heure de n'importe quoi sur son ordi. Il y a sûrement des monstres à m'emmener quelque part là-dedans. Il y a des démons qui apparaissent sur son écran. Je crois que c'est fou comme je Mais bref, après... Tu fais agripper les chevilles par des mains. Après une journée complète de gossage, finalement, je l'ai formaté. Le sale. Fait que là, il va bien. Là, on enregistre dessus. Ouais. Là, on regarde nos waves, là, puis ça record. Là. Mais là, ça m'a coupé du temps. Je voulais terminer les montages de Rétro Nouveau. Puis Rétro Nouveau, je vais en parler deux secondes pour dire qu'ils sont à Trois-Bières cette semaine. Ils sont allés faire un tour jeudi. Fait que manquez pas le prochain épisode de Trois-Bières avec Rétro Nouveau, un cross. Rétro Nouveau. Cross podcast. Rétro Nouveau. Ouais, exactement ça. Puis Guillaume, toi, quoi de neuf? As-tu quelque chose à dire avant qu'on embarque dans le show? Ouais, j'ai une nouvelle job. Ouais, j'ai quitté mon emploi sans dire les noms de compagnie pour pas vous mettre dans l'illégalité non plus. Là. Moi, je suis parti de mon emploi présentement, puis je suis parti à un autre emploi. Ouais. Pour des raisons undisclosed. Là. Dans le fond, c'était pas mal juste pour faire plus d'argent. Là. Ah, d'accord. Ben, c'est une bonne raison, ça. Ouais, c'est ça. Fait que mon profil de vendeur m'a pas mal aidé à aller pogner ma nouvelle job. Fait que j'ai eu une belle petite offre, puis j'ai décidé de let's go. C'est excellent, ça. Fait que dans le monde des finances, je dirais pas quelle banque. Fait que. À placer BC si vous voulez avoir des rabais. Conseiller financier, c'est bien ça. Ouais, c'est ça. Cool. Fait que vous avez des problèmes de dette, I'm your guy. Oh. Tu mets ça dans ta carte. Ah, moi, je vais vous donner une ligne de crédit, puis comme ça, vous faites vous réendetter, puis moi, on est en business ensemble, fait que c'est cool. OK, fait que là, dans le fond, toi, tu fais de l'argent, puis eux autres, ils payent leurs dettes. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. On résume ça en 3-4 mots. Là. Ben oui, fait que on part ça. Yeah. José. Fait que premier segment, on va parler de boxe, un petit peu, si ça vous dérange pas, les gars, on va parler de l'excellent combat qu'il y a eu hier entre Lucian Boutte, notre champion incontesté. Ouais, c'est... Incontesté, Lucien qui décide d'aller overseas, en England. Ouais. Nottingham. Expérience enrichissante. Ouais, qu'on a pu voir un gros combat en 5 rounds. Hey, c'est bizarre, l'atmosphère est comme décevante. Là. Ouais. On voit ici. Oh, ça fait mal. Y a pas personne moi, qui je dirais. Mais quel rincé qu'il a mangé là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on veut savoir. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? Ça tombe bien qu'on ait Guillaume aujourd'hui, un grand connaisseur. Il répliquait aucunement. C'est vraiment dur à dire. Ben, c'est pas dur à dire non plus. C'est des choses que ça se voit souvent dans n'importe quel sport. T'as du monde qui progresse dans certains sports, puis comme. T'sais, t'as des régionales, t'as des nationales, t'as plusieurs niveaux avant d'aller professionnel. Puis même dans le professionnel, c'est une question d'argent à la fin que je vous dirais. Lucien Boutte, il fait beaucoup, beaucoup d'argent, comme Jean-Pascal au Québec. Quand on a des superstars au Québec, notre Centre Bell au Québec, on est super partisans de n'importe quelle équipe qu'on a, part les expos. Clair. Ouais, bizarrement. Comme on va pacter le Centre Bell pour un gars qui se bat contre des bombes overseas, mais quand c'est notre équipe de baseball, mais on ira pas, même quand les seats sont à 2$. J'adore la logique, là. Ouais, malheureusement. Mais oui. Fait que c'est ça. Fait que Boutte, dans le fond, on fait une belle petite carrière, rendu à 30 victoires. Au Québec, c'était notre numéro 1, je vous dirais. Avant ça, c'était pas mal plus Jean-Pascal. Jean-Pascal a Comment je disais, il a fait de la compétition au niveau mondial depuis pas mal plus longtemps que je vous dirais que Lucien, contre des adversaires un peu plus coriaces comme lui. Il s'est déjà battu contre Carl Froch. Puis il a toffé 12 rounds. Il a toffé 12 rounds, puis c'était un combat très compétitif. Ouais, puis il y avait des chances, là. C'était pas. Ah, ça, la décision, s'il aurait donné à Jean-Pascal, c'est sûr qu'il n'aurait jamais sorti du pays vivant numéro 1. Ouais. Parce que vous avez entendu, exemple, les UA contre Buté quand il est rentré dans le ring. Ouais, c'est sûr que. Il était pas très accueilli là-bas, mais en même temps, on peut pas les blâmer parce qu'on est pareil quand il y a quand même eu une bonne réaction pour Bouté parce que tu sais, il y a quand même beaucoup de Roumains probablement en Europe. Là. Ouais, j'aime bien les fans canadiens qui se sont mis un gros chandail canadien de Montréal pour être sûr qu'on les spot bien dans la foule. Il y avait des fans du Canada puis des fans probablement des Roumains. Là. Non, l'entrance c'était vraiment la meilleure partie pour Lucien. Avec du Nickelback. Ça, puis oui, du Nickelback. Hey boy, hein? Lucien, justement, tu laisses YouTube behind, tu pognes Nickelback. Si tu mets de l'argent sur Chad Kroger, ben tu vas me manger une volée. Est-ce qu'on glisse un mot sur son beau chandail de la cage au sport? Un beau t-shirt blanc. Hey, il était-tu dégueulasse, ce chandail? Blanc, ils l'ont imprimé 5 minutes avant le fight. Ouais, il était cheap au bout, là. Tu sais, tous les Angleterres, le monde en Angleterre qui voit ça, cage au sport. Tu sais, c'est le genre de chandail qui donne gratis là, quand tu gagnes un popcorn. Là, t'as le choix entre un popcorn et un t-shirt, puis ils valent probablement le même prix. Là. Le popcorn est déjà gratis à la cage. Méchant gang de crosseurs. Ouais, c'est ça. Moi, je me demande vraiment si c'est Bédard, le manager de Lucien Buté, ou si c'est Buté en tant que tel, qui s'est fait donner un beau gros chèque par Vidéotron pour être dans le locker room en arrière et être dans le ring à Nottingham parce que. On sait que c'est vraiment le monde à Nottingham qui veut l'entendre parler de Vidéotron. Ouais, c'est évidemment. Il y avait une belle petite banner Vidéotron sur le side du ring avec Triple H Poker partout. Vidéotron. Ils vont tous aller voir c'est quoi Vidéotron puis ils vont faire comme. Pourquoi on a vu ça de bord? Checker les caps, les prix qu'ils payent. On peut même pas s'en lancer. Ah, ils vont dire, on est en Europe, on va pas dire Vidéotron, nous autres, on a des vrais prix ici. c'est ça. Ah, c'est donc bien cher, regarde comment ils download pas vite. Imagines-tu le gars d'Angleterre, tu sais, comme nous autres, on veut aller à Amsterdam manger dans des restaurants spéciaux qu'on est en train de parler, eux autres, ils sont en train de parler de la cage au sport. Imagines-tu la déception quand ils vont se rendre à la cage au sport après comme 5 ans d'y avoir rêvé, puis viennent au Québec. Puis qu'ils vont avoir de la bouffe overpriced. Comme du poulet sec avec des hamburgers. Que... ça dérange pas que tu dis à la serveuse, ils vont te servir le même fucking hamburger que dans leur tente. Oh, ouais, c'est clair. Là. Puis selon vous, c'est-tu la fin de la carrière de Buté, la défaite d'hier? C'est-tu un trop gros coup? Il va te relever de ça? Il va-tu. Bon, c'est sûr que Lucien a de l'argent. Ça, quand tu fais 10 défenses au Centre Bell... 32 ans, Bouté? 32 ans, t'es encore jeune. Carrière est pas finie, mais au niveau mondial, elle vient de prendre un gros ça stop. Va prendre un gros coup, hein. Faut attendre de voir la réaction mondiale des autres boxeurs, moi je vous dirais. Il y a plusieurs options pour Bouté. Option numéro 1, ça serait le match qui était attendu depuis les 3 dernières années contre Michael Kessler. Ouais. Quand il était venu au Centre Bell, je pense que je me rappelle plus si c'était Jean-Paul Mendy ou Brian McGee, mais un des deux bums que Buté a cassé genre en 4-6 rounds. Mais Michael Kessler était sur le bord du ring au Centre Bell, puis le monde dit ça va être son prochain fight. Puis Kessler a décidé de pas signer avec lui, puis il avait décidé de faire d'autres combats overseas. Ouais. Mais il était encore là justement à Nottingham pour regarder le fight, puis d'après moi, Buté a clairement été exposé par Froch. Fait que d'après moi, les offres ils vont tomber sur le bureau de Buté. Comme il va avoir un stack d'offres d'un paquet de monde parce qu'il était très. C'est pas seulement qu'il était invité, mais là, c'est juste que. J'ai l'impression qu'il va peut-être prendre un petit break. Là. C'est ça qu'il dit, mais en même temps, c'est sûr que quand tu viens de te faire casser la gueule comme ça, dans leur contrat à lui et quand Froch, il y avait une clause un rematch clause. Ouais, sauf que Froch a aussi l'option de choisir d'affronter un autre gars avant Bouté. C'est ça, pour défendre sa belt en tant que tel. Mais fait que ça se pourrait que Froch demandé d'avoir un rematch, moi personnellement. Ben moi non plus, parce que c'était une rincée là. Puis Froch l'a même dit très confiant après le combat, il dit ils ont un rematch clause que moi personnellement je dis pas de faire parce que c'est dit de qu'il veut que je me pointe à Montréal. Je vais me pointer à Montréal, je vais encaisser mon chèque, puis la même affaire qui vient de se passer ici va se passer là-bas. Puis avec la défaite qu'on vient de voir, je vois pas pourquoi ça serait différent. Là, quand Froch l'a défoncé dans tous les niveaux. C'était trop défoncé, ouais, c'est ça. Il a pas réagi du tout là. Mais c'est dommage parce que le Carl Froch qu'on a vu contre Lucien Buté là. Si ça aurait été le Carl Froch qui aurait boxé dans la finale du Super Six, on aurait eu tout un combat. Parce que Carl Froch, il venait de manger une volée contre André Ward. Ouais. Puis André Ward, c'est considéré le numéro 1. Puis c'était discutable si c'était lui ou Lucien Buté. Lucien Buté vient de passer de possible numéro 1 à numéro 2 à numéro genre 6. Là. Ouais, c'est ça. Ça vient de fesser vraiment terrible. Parce que c'est pas seulement la défaite, c'est la manière qu'il a perdu. Comme tu as dit, Jean-Pascal a toffé 12 rounds. Ouais, c'est ça. Mais Jean-Pascal a toujours été un gars qui a un chin. Jean-Pascal l'avait vu une fois rocker une fois, puis c'était contre Chad Dawson quand il a pogné la ceinture là, encore là. Ouais. Ou l'option numéro 2, moi je vous dirais justement, ça ferait faire le combat contre Jean-Pascal. Ouais, mais là, il faudrait qu'il monte de catégorie. Ben, c'est parce que qu'est-ce qui arrive là, c'est que j'en pense qu'à son prochain combat retour contre Tavares Cloud. Puis que... Ça, j'ai hâte de voir, justement. Celui-là que j'ai provoqué par Twitter, que je vous dis. Oui, c'est ouais, ça. J'aimerais c'est ça que tu en parles ouais. un peu à dire parce que moi, je l'ai vu passer. J'ai pas trop compris le tweet. Là, puis, ouais, mais c'est ça. T'as, c'est t'as initié un combat, si je comprends bien. Si j'aurais mon Blackberry, si ça allait facile d'aller voir les historiques, mais peut-être vous autres, vous êtes capables d'aller plus les voir. Là. Ben, si vous allez sur mon Twitter ou sur le Twitter de Tavares Cloud ou de Jean Pascal ou de Vinny Beeman. Je te dis, ça fait au-dessus de 100. Il y a un gars qui m'a envoyé. Quand le match a été signé, là, il y a un gars nowhere qui m'a envoyé un tweet. 194 jours later, he's finally coming for you. Mais en voulant dire, c'est que dans le fond, quand Jean-Pascal a eu sa défaite contre Bernard Hopkins, qui a perdu son titre, il a pris comme un long layoff parce que vous savez, il a eu sa blessure en jouant au hockey. Puis entre-temps, comme dans la catégorie, il y a toujours eu Tavares Cloud, que ça fait une couple d'années qu'il monte dans les poids. Puis que moi, personnellement, je trouve qu'il y a un. Tu appelles ça en anglais un crowd-pleasing style. C'est un gars qui. Win or lose, quand il va dans le ring, tu sais, exemple, Bernard Hopkins. Il donne un bon combat. C'est le contraire d'un clan Prison Scout. C'est plate de regarder les combats de Bernard Hopkins. Il fait juste donner des hugs. Il fait comme que Buté faisait dans le 4 puis 5e round avant d'aller au tapis. Là. Ouais, puis même au fin du 3e. C'est ça. Il colle, puis il frappe plus. Tu comprends pas qu'est-ce qui se passe. Ouais, puis ils sont supposés de boxer, mais il boxe pas. Buté, il a répondu un round, puis c'est le premier. Buté a donné deux coups de poing dans le match, puis les deux coups de poing ont vraiment fessé Frock. Puis je comprends pas, mais pourquoi, mais après ça, c'est. Honnêtement, il a perdu ses jambes, il était pas capable de s'appuyer dessus. Il feintait comme s'il voulait, comme le gars, il se rapproche des corps, mais quand on regarde vraiment la caméra, il regarde plus lui-même son haut les corps parce qu'il a besoin de s'accoter dedans, parce que sinon il tombera pas. Ouais. Je sais pas si vous avez vu quand le ref essaie de les séparer, buté comment il pogne les corps, puis il les tient là, quand le ref il les met comme ça, parce qu'il voulait pas lâcher, il savait que Wilson allait tomber à terre. Ouais, il tombera en pleine face. Fait que c'est ce que t'es. Fait que là, Tavares Cloud, pis. Fait que t'as comme gossé Jean-Pascal. Ouais, je suis un peu baveux avec Jean-Pascal. Parce que moi, Jean-Pascal, en bas, il me fucking fait chier. Moi, je trouve que c'est un tabarnak, là. Parce que c'est bien beau être une célébrité, pis tout. Pis je respecte ce qu'il fait pour la communauté. Parce que Jean-Pascal, c'est un gars qui est involved, fait même des affaires des fondations. Pis je le respecte en tant qu'athlète, ça, c'est sûr et certain. Pis c'est sûr que Jean-Pascal, il y a un bon combat. Moi, je suis quasiment sur le front row en train de cheerer. Moi, j'adore mes athlètes québécois. Mais moi, c'est le fait que. Quand Jean-Pascal il a perdu, numéro 1, quand il a eu le draw contre Bernard Hopkins, il se fait aller à la gueule comme s'il aurait dû gagner et tout, mais dans ma tête, c'est comme, c'est pas une question que tu aurais dû gagner ou perdre, non. C'est, pourquoi c'est discutable un combat contre un gars de 46 ans, là, tu devrais l'éclater, c'est ça. Là, c'est même pas, ça devrait même pas être proche. Là, il est supposé être au top de sa forme. Là, c'est ça, puis même sur son Twitter, dans sa description Twitter, c'est écrit, je pense, on m'entraîne pour gagner, on me paye pour gagner, mais tabarouette, t'as pas gagné en 3 ans. Ouais. Enlève ça de ton Twitter, là. Comme tu peux un mot, t'appeler Jean-Pascal Chen. Il a pas gagné en 3 ans, mais il a fait combien de combats en 3 ans? Il en a fait. Il en a fait 2 ou 3, tu sais, c'est. Parce que dans le fond, c'est ses deux dernières défaites, c'est contre Bernard Hopkins. Bernard Hopkins, c'est comme le draw, après ça, sa défaite après ça. Après ça, il a dit. C'est setback, tu sais, il voulait se blesser, il est blessé, il ne peut pas revenir. Il est pas revenu depuis. Puis depuis ce temps-là, comme Tavares Cloud, l'autre boxeur, lui, c'est un boxeur de Don King. Lui, il monte, là. Okay, il monte, mais c'est des boxeurs, autant comme Lucien Buté qu'on a vu là, c'est des boxeurs très protégés, les boxeurs de Don King. Ils se battent contre des gens bons. Mais ça, honnêtement, ça dit n'importe quel promoteur. C'est pour ça que Carl Frock, c'était un gars qui était le underdog dans le bet, parce que lui, depuis les 3 dernières années, il se bat contre des gars dans le top 5. Ouais. Mais c'est très rare qu'un boxeur va se battre un après l'autre pour des gars dans un top 5. C'est ça, être promoteur, tu veux... Justement, à promouvoir ton boxeur, tu le mets contre des gars qui sont moins bons que lui, des gens bons, pour qu'il ait l'air vraiment à torcher, puis à être bon, puis de faire bien paraître. Puis... C'est ça. Puis c'est ça qu'il faut que tu fasses aussi. Normalement, c'est un peu comme au début. C'est la lutte, là, quand tu fais lutter contre des jobbers. Un jobber. Jobber. Regardez David Lemieux. Genre le Duke de Dumpster. Là. Duke de Dumpster. Vous avez déjà vu des vidéos de David Lemieux? David Lemieux, ouais. C'était une machine, il tuait le monde à un coup de poing. Il s'est pogné contre un Mexicain en dehors du Québec. Ouais, Rubio. Puis que c'est pas comme si c'était le meilleur boxeur, c'est un correct boxeur, mais c'est un B-boxer at best, le Rubio. Puis il a donné une rince, là. Il a pris vraiment toutes ses punches. Puis le pire, c'est que toutes les rounds avant ça, le mieux gagnait. Là. Oh, ouais, ben c'est parce que le gars, il a dit ok, toi t'es vraiment un jeune, puis t'as des testostérones, puis tu veux vraiment unloader, puis me knocker out. Ben moi, j'ai 40 combats à mon actif. J'en ai vu des gars comme toi. Vas-y, puis il se met les deux mains en face, puis comme vas-y, comme. Moi, au début, je pensais que ça, le buté, il faisait avec Frock. Frock était tellement actif. Ok, il veut vraiment l'eau des dessus, mais moi, c'est quand je l'ai vu pogner les câbles quand le ref les a séparés. Je fais, ok, non, il est vraiment plus là, là lui. Ouais. Là. En tout cas, j'en revenais pas. Comme mon ami a dit à chez nous, à une grosse douche froide pour le Québec au complet. Là, ouais, ça a fait. Ça a fait, c'est. Il est vraiment pas au même niveau que le reste des top 5. Là, moi, dans ma tête, là, il vient de dropper vraiment beaucoup. Là. Mais revenons-en à la fin de Jean-Pascal. On n'a jamais su l'histoire encore. Fait que c'est ça. À un moment donné, j'ai commencé à me payer la gueule de Jean-Pascal un peu sur Twitter parce que j'ai commencé à y envoyer des... C'était très drôle. D'ailleurs, si on veut te suivre sur Twitter, c'est Ecclesio, ton nick. Ouais, allez-y. Il y a des périodes que je fais juste tweeter et des périodes que je tweete pas pantoute. Fait que non, mais les bouts que tu tweetes sur Jean-Pascal, c'est assez hilarant. Ça vaut la peine d'être... Ouais, on peut aller checker. Attends une minute. Laisse-moi sortir mon sel. Essayer de me trouver là-dedans. Là, mais vous autres, achetez-vous votre bien. Est-ce qu'on fait une pause puis on va regarder ça puis on revient? Ou... Mais attends, je peux te dire... Moi, t'as dit en général, là, dans le fond, qu'est-ce qui arrive? Ouais, bien sûr, résume un peu, dans le fond. Là. Fait que là, j'ai commencé, dans le fond, Jean-Pascal, à un moment donné, c'est... Je pense que ça a vraiment commencé là, je vous dirais. Il a tweeté une photo de stack d'argent US. Ouais, je l'ai vu, puis ça. Puis il a écrit « It's payday ». Puis moi, en tant qu'un gars, puis je vais pas dire... c'est pas de la jalousie, mais en tant qu'un gars qui va faire sa job 9 to 5 puis qui travaille tous les jours de la semaine, numéro 1, il est Canadien, right? Citoyen du Québec, pourquoi tu te fais payer en stack d'argent US cash? Ben, numéro 1. Ouais, mais ça, même dans la Ligue nationale de hockey, ça marche de même. Les salaires sont en US. Ça, je suis d'accord. Mais numéro 2, pourquoi tu tweets que tu payes des. Quand ça fait 2 ans que tu. C'est ça, quand ça fait 2 ans que tu perds. Je te dis pas, va te cacher dans une grotte jusqu'à temps que tu gagnes. Vraiment pas. Comme je dis, il fait des affaires pour la communauté, puis c'est cool. C'est pas à cause que, non, que tu perds que tu te caches. Mais va pas te vanter que tu fais des millions d'argent quand tu perds. C'est quasiment tu es en train. Cent, là, ben moi, c'est parce que je prends ça comme un message que tu étais payé pour perdre. Moi, c'est vraiment ça que je vois à la fin. C'est comme. Non, mais tu sais, je veux dire. On te cheer on, puis on va payer des billets pour aller te supporter, puis tout. Tu perds, puis après ça, toi, tu trouves ça drôle, puis tu tweets des affaires là-dedans, puis tu dis, moi, j'ai perdu, mais ah, c'est la paye quand même. C'est ça. Ouais, justement, je pense qu'il avait répondu, quand j'avais envoyé de quoi, il m'avait répondu quelque chose comme ça. J'ai payé, puis je pense que. But it's okay, I make still more money than you, quelque chose comme ça. Puis il essayait comme de faire dans ma face. Vraiment, dans ma tête, c'est pas une question d'argent, c'est juste une question comme. Tu te fais casser la gueule par un gars qui a plus de 20 ans que toi. Même si ça serait un gars dans la rue, sacrément, je le prendrais pas. Là. Ouais. Je boxe pas. Là, c'est plus comme... une question de respect et de fierté. Là. Ouais, puis enfin, il représente le Québec aussi. Là. Oh, ouais. C'est comme un Américain qui vient ici. En plus, comme nos deux Québécois, on les envoie en Europe, ils se font crisser une volée, ils reviennent. Mais pour ça, lui, il se prend contre un gars de 46 ans, puis il perd son titre. T'as beau faire bien de l'argent parce que tu fais de la boxe. T'sais, si je veux dire. Si t'es un peu fier et que tu te respectes un minimum, je pense que tu vas pas te vanter d'avoir une grosse paye quand t'as perdu ton ego un match. Veut aller chercher la victoire, moi je me dis à la fin. Là, c'est comme. C'est la raison pourquoi tous nos partisans au Québec ont en sacrament à chaque saison du Canadien. On aimerait ça qu'ils rentrent dans les séries. Puis non seulement qu'ils rentrent dans les séries, là, on veut qu'ils gagnent la coupe à un moment donné. Là, ouais, c'est fun. Là. Ouais, c'est beau, c'est là, 93, là, mais il me semble que ça fait un bout. Là. Ça va faire 20 ans. Fait qu'à un moment donné, j'ai envoyé, moi, quand il a mis ces stacks d'argent-là, j'ai commencé à insulter un peu Jean-Pascal. Rien de. De insultes pis de des affaires qui m'enlèveraient Twitter là, t'sais, mais t'sais, c'était du playful raising comme ils disent en anglais, je le taquinais plus que d'autres choses là, t'sais. Ouais. Puis à un moment donné j'ai dit à Jean pis j'ai envoyé vous savez comment que ça marche à Twitter, t'sais, que vous parlez de quelqu'un d'autre, c'est pas comme si vous lui envoyez un tweet à Louis, mais si vous mettez son nom, lui il le reçoit aussi. Fait que j'ai donné le nom d'un autre boxeur que moi je trouvais hot dans la top 5 division. Je comprenais pas pourquoi Jean-Pascal il signait pas un contrat parce que les deux il y avait un combat qui s'en venait pis j'avais envoyé, c'est ça, c'était juste avant le combat de Jean-Pascal Hopkins. Okay, c'était j'avais qui? Envoyé à Tavares Cloud, puis à Jean-Pascal, je disais, hey, pourquoi tu t'en vas pas au Centre Bell avec ce gars-là? Va-t'en au Centre Bell contre Jean-Pascal, tu vas faire bien plus d'argent aux États-Unis qu'aux États-Unis, n'importe quel combat, parce que Jean-Pascal, c'est sûr qu'il va te garantir que tu vas être payé. Puis il dit, en plus, tu vas y casser ailleurs, puis tu vas t'en retourner chez vous. Puis là, Jean-Pascal, il a comme répondu, puis il a fait comme, non, it's not happening. Puis là, c'est comme Jean-Pascal a comme fait une erreur là-dessus. Quand il a répondu à moi, mais il a répondu à l'autre gars aussi. Il a fait la fête, elle se fait pas, puis il l'a écrit en anglais. Because Don King is protecting his little ass. Mais le gars l'a vu, ça. Ouais. Fait qu'il a répondu à moi, Pierre Jean-Pascal, I'm coming for you. Fait que là, moi, je vois ça quand je suis à la job, je vois ça, je suis comme, OK. C'est spécial, ça. Mais c'est ça, c'est Cloud, ça. Ouais, Tavares Cloud, c'est ça, il a vu. Fait que dans le fond, t'as starté comme la guerre sur Twitter entre les deux. Puis là, Jean-Pascal essaye de se défendre à Tavares Cloud, puis il dit « Hey, calme-toi, là, je suis un grand fan de toi aussi, là, puis je veux pas de querelle, quelque chose comme ça en anglais. » Puis comme je vous dis, quand on ira en pause, on ira le trouver sur Internet, vous le lirez, là, puis vous verrez ce que je vous dis, là, mais c'est très drôle à la fin, là, puis comme moi, j'arrête pas de joker, je dis « Moi, puis mon ami, parce que... » Il y a un de mes amis aussi, quand il voyait ça, comme il mettait de l'huile sur le feu aussi, comme Advini Beeman, là, sur Twitter aussi. Puis il mettait vraiment l'huile sur le feu sa conversation. Fait que tu sais, 194 jours plus tard après ça, ils ont signé le contrat. Pour un combat entre les deux. C'est parce que Tavares Cloud s'est fait casser la gueule par un autre gars. Après. Puis il a perdu le combat. Fait que Il était à un Friday Night Fight, je pense. Ou attends. Non, c'était pas ça. C'est... Il se battait contre un gars. Oui. Si je me souviens bien, c'est qu'il se battait contre Gabriel Campillo. Puis c'était supposé être un walk in the park pour lui. OK. Puis Jean-Pascal, il avait signé pour se battre contre quelqu'un d'autre. Je pense que c'était l'Européen, là, juste avant qu'il se blesse. Là. C'était rien de signé encore, mais c'était les talks des nouvelles. Jean-Pascal allait se battre contre ce gars-là. Puis là, j'avais envoyé, c'est là que j'avais envoyé ça à Cloud. Puis Cloud, finalement, quand il s'est battu contre le Mexicain-là, ils ont donné la victoire, mais c'était une des décisions les plus controversées de 2012. Là, parce que l'autre gars, il avait boxé tout autour de lui pendant 12 rounds. Fait que depuis ce temps-là, Tavares Cloud, je pense que tu n'utilises plus ton. Soit il m'a bloqué Twitter ou il n'utilise plus son Twitter depuis ce combat-là parce qu'il n'y a plus rien. Là. Il a tweeté une heure avant de rentrer dans le ring, puis après le ring, genre, tu vois plus rien sur son Twitter. Là. That's it. Wow. Puis ça, comme je te dis, c'était après le I'm coming for you both. Là, j'ai vu deux semaines plus tard qu'il avait signé, comme où il était en talk avec. C'est pas Interbox, là. C'est quoi la compagnie, j'en pense que. Jim. Jim, c'est ça, qui était avec Gros Pivot Michel en talk justement pour faire le combat. Fait que, en tout cas, moi, j'avais trouvé ça très drôle. C'était un gars vraiment complètement par rapport que je connais pas qui me tweet ça, qui avait vu notre conversation, puis il a écrit 194 jours plus tard, finalement, he's really coming for you. Comme il a renvoyé le tweet de Tavares Cloud, I'm coming for you, puis il a compté, puis ça faisait 194 jours depuis. Wow, man. Fait qu'à l'origine, là, à l'origine, de loin, loin, loin, loin. Là, je regarde tes tweets, c'est ça que là, HBO Boxing t'ont tweeté, what is happening? Comme... Ouais, non, ouais. Ça, c'est autre chose, ok, non. Mais là, ça veut dire que Tavares Cloud, il s'en vient chercher Jean-Pascal, puis il faut que tu sois là. Ouais, je pense qu'il va être au. Maintenant, c'est ça, mais il va être au Colisée, mais moi, je pense qu'il n'y a aucune idée vraiment, je suis qui, là, dans le fond, mais Jean-Pascal non plus. Mais dans le fond, ce serait hot que tu sois là, man. Ben, moi personnellement, j'arrête pas de leur dire, donnez-moi des billets. Là. Moi, il est où mon promoter's fee là-dedans? Ouais, c'est parce que genre, c'est donnez-moi mon 5% fête, là. Ouais, c'est sérieusement, ça. Donne-moi un petit million. Envoie tes tweets à. Genre, je sais pas qui organise le combat, mais. Non, ouais, envoie tes tweets à Tavares Cloud, puis dis Do you remember me? Ouais, c'est ça, je vous donne mon adresse, là. Venez me voir chez nous. Là. Aren't you supposed to get me? Give me some tickets. Ouais, c'est ça. Le pire, c'est que Tavares Cloud, après moi, il va faire son plus gros. Son career high payday, man. Quand il va venir à Montréal, là. Parce que, honnêtement, la boxe, c'est zéro aux États-Unis, man. Faudrait qu'il donne une cote en argent US, et cash. De Mayweather, t'as Pacquiao, puis c'est tout. Au ouais. Québec, honnêtement, là, Jean-Pascal, il attire bien plus de monde les que le reste du monde aux États-Unis. Les bons temps de la boxe aux États sont passés, pas mal. Bah, honnêtement, il y a trois noms qui ont tué ça. Don King, Bob Arum, puis le troisième. Il est en train de le faire présentement, mais un petit peu, puis c'est de là où il y a. Ces trois promoteurs-là, ils ont tué la boxe. Puis pourtant, c'est des boxeurs que dans le temps qui étaient là. Ben, lui, Bob Arum, Don King sont à l'origine. De là où il y a, c'est vraiment très récemment. Puis je te dis que c'est le gars le plus flexible en tant que tel, parce qu'il travaille avec d'autres compagnies de promotion et tout. Mais tu sais, exemple, t'as Lou DeBella. Il y a une couple de boxeurs québécois qui sont dans son stable à lui. Mais justement, Lou DeBella, justement, il est pas avec Adonis Stevenson. Stevenson? Ouais, je sais pas. Lui, là. Ah, oh, mais honnêtement, si Adonis, il pourrait très bien challenger et buter, c'est très bien dans les plans, ça aussi. Ouais, non, j'ai hâte de voir, justement, là, parce que lui, il se l'a fait aller solide. Là. Ah, ouais, on va avoir un proxénète comme numéro 1 au Québec, c'est assez incroyable. Alors, dans la série de tweets par Ecclesio, ici j'en ai un, il y a 14 semaines, qui dit « Ça sent la guidoune dans les bancs rouges au Centre Bell. Jean-Pascal must be close by. Clive Christian, hashtag. » Ah oh oui, ça c'est parce que Jean-Pascal, à un moment donné, il dit « That must be what a real man smells like. I just bought the world's most expensive perfume. » Puis il se mettait les hashtags de Clive Christian. Puis là, moi, je me fous de sa gueule avec ça parce que je trouve ça trop laid mettre ça. Je vais finir par les trouver, les tweets, il s'en vient. Là. Ah, tu hey, peux ça, trouver. C'est vraiment incroyable, ça. Je suis rendu à la 17 semaines, là. Recherche de tweets ici là. Ah non, je te dis, ça vaut la peine là. Non mais je suis encore assez habitué avec mon iPhone pour vraiment aller dans l'arrière là. Seriously, you guys need to draw down. Would be a great fight for anyone who loves boxing title, shut or not. Puis t'avais mis Jean-Pascal Tavares Cloud en. Ouais, c'est ça, c'est quand que je commençais à les gosser là justement. Parce que moi j'ai trouvé personnellement, je vous le dis, quand vous allez voir le combat, ils ont un style les deux que quand ils vont être dans le ring, ça va faire des flamèches, je vous le dis. Ça va faire un bon combat. Jean-Pascal, vous avez vu comment il essayait de se battre contre Bernard Hopkins. Ça marchait pas. Pas contre lui, mais contre quelqu'un comme Tavares Cloud, c'est un gars qui se bat de la même manière. Ils vont rentrer tous les deux dans le milieu du ring et ils vont s'envoyer des left et des right hooks. Je suis content qu'il y en ait un. C'est deux hitters. Là. Puis le fait y aller que pour le gros punch le temps. Là. C'est ça, mais Jean-Pascal, à l'origine, moi, c'est pour ça que j'avais tellement trouvé ça spécial, comment il se battait contre Hopkins. À l'origine, c'est un boxeur olympique. Fait qu'il y a beaucoup de technique, Jean-Pascal. Il est très capable de l'avoir. Je comprenais pas pourquoi il boxait pas plus. Fait que d'après moi, c'est ça qui va lui donner l'avantage quand il va finalement se battre contre Tavares Cloud. Hein. Ça va juste sonner bizarre, mais gros, ce qui se passait là. C'était comme penché, puis je pense que le son a probablement fait des out, puis est revenu. Là. Ouais, on t'entendra pas super bien. On back. Hey, vous autres, vos bières sont-elles à la. Pas mal, c'est à la fin. À la fin? Indeed. On se prend une petite pause et on vous revient avec des bières. Oh, des bières et des tweets. Ouais. José. De retour à la jasette. Yeah. Avec une petite bière fraîche. And we're back. Puis là, on a les tweets de la conversation entre Guillaume, Jean-Pascal et puis l'autre. Là. On va essayer même de vous faire un screen capture. Là, pour... Ouais, on va vous mettre un lien sur young.ca podcast. Là, dans, allez voir l'historique. Dans celui-ci, on est l'épisode 6. Vous irez voir justement l'historique des tweets. Ouais, fait que c'est ça pour Ben Gros. Si vous voulez aller le voir, vous allez sur @ecclesio puis vous retournez à peu près 122 jours en arrière, si ça vous tente. Puis là, vous allez voir un tweet de Jean-Pascal en tant que tel qui est très classe. It's Thursday, it's payday, no fight, but I'm still getting paid. Haters don't hate, you just have to work hard. Puis c'était une photo avec plein de stacks d'argent US, comme je vous avais dit. Plein de piles en cash. Ouais, c'est ça. Fait que en gros, en français, c'est comme c'est jeudi, c'est la paye. J'ai pas besoin de me battre, moi je me fais payer pareil. Fait que si ça vous tente de m'haïr, ben haïssez-moi. Mais moi j'ai répondu à ça. Que, quand tu dis que faut que le monde travaille fort pour avoir cet argent-là, tu travailles aussi fort que tes deux derniers combats que t'as perdu contre un gars de 46 ans. Puis Jean-Pascal, il a vraiment pas trouvé ça drôle. Fait que il a écrit comme l'affaire que moi, personnellement, en tant qu'athlète, je trouve un peu dégueulasse que tu parles. Comme la manière de penser plus comme ça, de répondre. Question de fierté, là, un peu. Là. J'aime bien mieux me faire payer que. Attends, net. J'aime bien mieux manger une volée puis être payé que manger une volée gratuitement. C'est comme dans ma tête, c'est comme. Ok, mais là-dedans, t'as-tu essayé de gagner, genre? C'est comme le but, c'était vraiment juste rentrer dans le ring, manger une volée, puis avoir ton chèque. Gars, c'est ça, pas de trouble. Là. Ouais, c'est ça. Tu te dis, puis c'est correct, puis tu fais ça de ta carrière, mais comme, viens pas dire au monde après ça de te supporter, puis de. T'as pas Jean-Pascal que t'es un champion, puis comme que j'avais dit sa référence, que sur son compte Twitter, c'est écrit dans sa description, qu'il est payé pour gagner, pas payé pour se faire donner une volée. Genre. Ouais, c'est ça. Fait qu'en tout cas, c'est. Je ça un peu bizarre. Fait qu'à un moment donné, j'avais comme proposé spécial, le nom d'un gars qui commet up dans les ranks, là, Tavares Cloud, que j'avais dit, qui est justement sur Twitter, @TavaresCloud. Puis j'avais dit, pourquoi que tu t'en vas juste pas pogner la ceinture de Tavares Cloud vu que t'as perdu la tienne? Tavares Cloud, c'était le champion de la division IBF. La même division, dans le fond, que Lucien qui s'est fait donner une volée et qui a perdu son titre. La même division, Tavares Cloud, c'est le champion dans la division Light Heavyweight à 175 livres. Fait que j'avais dit à Jean-Pascal d'aller se pogner contre lui. Puis Jean-Pascal, il a comme répondu, mais en utilisant le nom de Tavares Cloud, « I can't, Don King is protecting his ass. » Puis depuis ce temps-là, Tavares Cloud, il a comme pogné sur le radar Jean-Pascal, puis le reste is history, as you're gonna find out. Là. Enough on that. On espère qu'ils vont donner des billets ringside pour aller voir le combat. Ouais, là, tu mériterais d'avoir des billets. Ouais, personnellement, j'aimerais ça. Honnêtement, je prendrais les tweets, là, puis je les enverrais à ceux qui vont faire la promotion du combat, puis je dirais, hey, garde, c'est à cause de moi que ça. Ouais, c'est ça. Moi, personnellement, là, non, j'ai suivi Jean-Pascal, puis ce gars-là, puis moi, je me dis, sérieux, c'est qui ce callus, là? C'est comme, pourquoi je donnerais des billets, puis pourquoi je donnerais de l'attention? Ouais, au pire, je vais le bloquer, puis ferme ta gueule, Guillaume. Ouais, au pire. Moi, c'est dans leurs souliers, mais moi, dans mes souliers, c'est quand même va chier. Ah ben ok. Alors c'est ce qui est. C'est ça qui conclut le segment box UFC hey, ouais. Fight tout ça. Là. Alors Lucien c'est juste un petit a gagné. Lucien ouais dans ouais. Son coeur. Dans son cœur. Dans sa tête. Il va-tu prendre un petit break? Ouais, pour moi il va prendre un petit break mais c'est juste du camouflage. Après moi il y a déjà des offres à la table. Ouais. Puis mon call c'est que le prochain combat ça va être Lucien Buté contre Michael Kessler. Oh. Yeah. À suivre. On veut voir ça. À suivre. À suivre. Fait que moi, je propose que, vu qu'on a Guillaume qui est un grand fan de comic book avec nous autres, de parler du film des Avengers. Ok, là, je vais le dire pour ce prochain segment. Spoiler alert. Si vous n'avez pas vu le film des Avengers, skippez. Oui. Ok. Skippez au prochain segment. Sinon, là, on va en parler. Trouvez le prochain jazz. Si vous n'êtes pas les vrais fans, si vous ne l'avez pas déjà vu, tant qu'à moi. Vous n'êtes pas digne. Ah, fan ou pas, là. Fait que les gars, avez-vous aimé la version de Josh Whedon de. Ben, moi, regarde, je vais parler en tant que pas amateur de BD parce que je suis pas quelqu'un qui lit beaucoup. Non, on a vu ça avec mes 6 Spider-Man que je t'ai prêté de l'un an et demi. Il me semble que tu je lis pas plus Spider-Man. Il me semble que tu augmentes de temps à chaque fois. À peine. Ça a parti à 6 mois. Là, on c'est la méthode d'exagération. Tu commences à une journée et c'est rendu 6 mois. Ouais, c'est ça. Non, on est rendu à un an et demi. Là. Ouais, non, c'est ça. Je suis pas un amateur tant que ça, mais j'aime ça en lire. Je trouve ça intéressant. Peut-être plus que quand j'étais jeune parce que c'était en anglais en plus puis je lisais pas vraiment en anglais. Mais. Ouais, un peu comme ça. Les Archie. Les Archie sont dans bon. Pas bon. Mais tu sais, les crossovers, genre Archie versus Punisher. Là, les autres affaires que j'ai lues quand j'étais jeune, c'était Astérix. Ouais, moi, Archie, c'est comme un peu du softcore, tu sais. Si tu veux vraiment, à un moment donné, c'est comme, tu vas-tu la faire la blonde ou tu vas te faire celle avec les cheveux noirs? Ouais, c'est comme ça. Comme Betty ou Veronica, puis t'as quand même un char décapotable, pourquoi t'en as pas pogné une encore? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que t'attends, là? Ouais, mais tu sais, t'es un petit PD un peu, là. Il signe Jughead, puis tout, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, fait que, en tant que pas connaisseur de BD, j'ai adoré The Avengers. J'ai vraiment trippé. J'ai été comme un kid. L'as-tu vu en 3D? Non. T'as vu en regular 2D? Sauvé 3$. Ouais. Ouais. À fond. Ouais, je me suis fait dire que c'était ordinaire. Mais 3D est inutile dans ce film. Ouais, le c'est film des faits de profondeur. Là, c'est ouais, c'est ça. Ce qui est tout le temps le cas maintenant. Ben, mais moi, je l'ai vu en 3D, puis c'est parce que je voulais aller à AVX à Montréal là, pour c'est pouvoir ça. Réserver mon banc. Là, réserver tes bancs, ouais. Je m'en fous. Je l'ai, après 10 minutes, je le voyais plus le 3D. Mais j'ai capoté. J'étais comme un kid. Moi, là, j'ai. Puis en plus, Hulk, c'est... on en reparlera, là, mais Hulk, qui m'a fait triper bien raide. Puis je pense qu'il a fait triper bien du monde. Mais j'étais vraiment. Je riais comme un enfant. Asti, j'étais vraiment dedans, là. C'était comme. Ouais. Vraiment, j'ai vraiment embarqué, là. Toi, Guillaume, ton j'ai trouvé ça fou, sérieusement. J'ai vu trois fois. Moi, j'ai vu la caméra. Puis j'ai pris une très bonne caméra en ligne en passant, là. Marvel, on va vous dire un petit message privé. Marvel, Disney, vous êtes une fucking gang de cœur, personnellement. Ça aurait jamais dû être released overseas une semaine avant qu'on l'aille au North America. Ça vous a tiré dans le pied. Ouais, ouais. Il y avait 15 caméras qui sont sorties une semaine avant que qu'on peut aller voir au cinéma. Ouais. Vraiment que les fans, surtout Montréal, on est la ville, une des villes au monde le plus informatisée, qui a le plus de hackers. Ce qui veut dire qu'on pirate tout à Montréal. Fait que c'est sûr que nous autres, on l'aurait vu bien avant. Que moi, j'avais vu, dans ma tête, ma critique était déjà faite avant de le voir au cinéma. Je l'ai déjà vu trois fois chez nous, sur mon écran de 50 pouces, une super bonne caméra, les télésync, tu sais, à cette heure. C'est vraiment du monde qui se pointe avec des caméras, tu sais. C'est, ouais, fond, c'est les projectionnistes qui pluguent leur laptop sur la machine, puis ils loadent le film dessus, puis ça écrit ça en langue. Ils mettent un milieu, genre, entre la sortie, là. Ah, comme, ben, Ouais, c'est ça, fait que c'est sûr que, tu sais, j'ai pas le son Dolby Surround, il y a une couple de parties d'image un peu plus sombre, mais je vous dirais même pas dark, tu sais, comme vraiment le mot sombre, tu sais, comme c'est pas dark, tu voyais quand même tout plus le regardable film. Que les screeners qu'on voyait il y a une couple d'années, ça, c'était moi, j'étais pas capable. Moi, un screener, là, jamais été capable de checker ça. C'est très rare que je regarde des screeners, c'est vraiment parce qu'Avengers, comme tu l'as dit, moi, j'étais un huge fan de comics. Je voudrais pas mal plus DC à la base que Marvel. Ouais, ouais. Mais c'est sûr que quand Marvel, on parle des super-héros, comme les premiers super-héros, tu sais, c'est les Avengers qu'on parle. Ouais, ouais. Puis moi, Hulk, là, j'attends un Hulk film depuis un bon Hulk movie depuis là, Forever. Je pense qu'ils l'ont, le bon mais Hulk. Là, ils l'ont, là. Mark Ruffalo, là. Holy fit. Shit. Ah, il était dessus, fou. Ah ouais, il fit tellement. Ah, je trouve tous les meilleurs calls du film, c'est lui au complet. Ah, bah, regarde. Mais c'est parce que c'est lui qui t'attend aussi. Je pense c'est, qu'on pourrait c'est parler. Ah ouais, quand il dit à l'autre Captain America, là, quand il va marcher vers, puis il est encore humain, puis que le serpent il s'en vient, genre, puis il dit oh, that's the thing about me, puis il dit I'm always angry. Mais ça, ce que j'ai trouvé popé, c'est que c'était un peu un rappel au. Ben, même s'il était pas super hot, les films de Hulk, au dernier film de Hulk, là, parce que tu le vois à la fin du film que, genre, ben là, c'était avec Edward Norton, là. Ouais, c'est ça. Tu vois qu'il contrôle, puis il s'ouvre les yeux, puis là, tu vois qu'il. Ouais, comme, c'est ça, le Edward Norton, il était bon, mais seulement la dernière partie, comme le film overall, je trouve qu'il y avait pas. C'est un film de Hulk, on est pas là pour l'histoire, Carlis, c'est. C'est il Hulk dit Smash, une phrase là. Pis c'est Hulk ben, Smash, c'est ça. Je pense que c'est ça que j'ai aimé ben gros The Avengers et tout, c'est que l'histoire était bien simple. Ouais, c'est ça. C'était une histoire juste pour mettre autour du scénario, là, un peu autour de l'action. Pour ça, c'est ça se tenait. Là. Pour résumer un peu l'histoire, dans le fond, c'est ça. C'est mais l'histoire set up basic. Des jokes que Robert Downey it knocks out. Bon, Loki, il part de là-bas, il s'en vient ici, puis il veut tout péter les humains, puis la Terre, puis ouais, il amène la race d'extraterrestres. Bon classique, le Alien vient take over. C'est ça, c'est ça. C'était pas compliqué à suivre. C'est facile à comprendre. Pour connaître les personnages de Loki un peu, tu t'attendais pas à ce que lui tout seul, tu sais, Loki c'est un peu la risée là, dans l'univers des comic books. Là, il... Oui, oui, puis non, c'est mais vraiment il la version qu'ils choisissent de mettre. T'as Loki mais... qui est vraiment le God of Mischief, que c'est vraiment comme une version quasiment pas le Joker, mais comme il fait juste des petites conneries, puis c'est des affaires comme oh, je vais juste faire chier Thor, je vais faire ci, faire ça. Ouais. Mais Loki, techniquement. Mais il est puissant, Loki. Est puissant. C'est lui qui est à l'origine de la mais formation tu sais... des Avengers dans les comics. Fait que tu sais qu'il t'avais pas le choix Loki. De le mettre dans le film. Ouais, t'avais c'est pas ça. Le choix. Pour les starter, l'acteur comme qu'ils ont mis pour faire Loki était excellent aussi. Oh, oui. Lui, Hiddleston. Quelque chose du genre. Hein. Hiddleston. Le... Sorry about butchering your name, Tom. Le casting Tom. Overall du film était excellent. J'ai trouvé d'avoir réussi à tout casser les acteurs qui ont joué avant. Chris Evans fait un excellent Captain America. Là, C'est spécial parce que c'est comme, tu sais, Captain America est supposé avoir un genre de vibe que c'est le gars le plus vieux, tu sais, de la place. Mais comme je trouve, il n'y avait pas cette partie-là parce qu'il avait l'air d'un kid, je trouve, dans son sauf que suit. Mais il était quand même, tu sais, il a quand même pris la place qu'il fallait. Mais il a l'air du gars, tu sais, justement, tu sais, Chris Evans, l'acteur, là, je parle, il est douette, là, il est shapé, puis tu sais, on dirait qu'il est trop clean cut, là, le petit smile parfait. Là, comme Part dans Scott Pilgrim. Ouais, dans Scott Pilgrim, il se tue en skate. Là. C'est n'importe quoi. Moi, pour l'avoir lu avant, le Scott Pilgrim, je savais que c'était ça qui s'en venait. Chris Evans joue dans Scott Pilgrim? Ouais. C'est un des Evil X. Là. Ah ouais? Ouais. On en reparlera de Scott Pilgrim peut-être un peu. Là. Nice. Brandon Routh. Brandon Routh, Superman. Brandon Routh. C'est lui qui est le vegan. Oui. Stop Vegan Police. Avec le jump qui se font le high-five avec Tom Jane. Là. Ça, je pense, c'est le meilleur bout du film. Là. C'est fou, ça. Okay, nice. Je vais partir sur une dérape de Scott Pilgrim. Là, mais... Okay. Ah, mais quel excellent film, quel excellent BD. Mais sérieux, le film Avengers, là, si je le breakerais down bien vite, là, c'est... Qu'est-ce que je trouve qui est le fun, puis quand que je dis qu'il est au même niveau que le Dark Knight, c'est pas que c'est un meilleur film, parce qu'encore là, je regarderais encore plus le Dark Knight, parce que le Dark Knight, c'est juste cinglé comment c'est bon comme film, mais... C'est que tu peux emmener des enfants à voir l'Avengers, ils vont avoir autant de fun que toi, même s'ils n'ont jamais lu un comic. C'est vraiment mais c'est parce que c'est ça l'affaire. C'est que même moi, j'étais un enfant là, en l'écoutant. C'est là. Ça. T'sais, c'est un film qu'ils ont fait pour les fanboys avec des explosions, des corps qui étaient comme waouh. C'est pas un film qui est deep. Là. C'est un gros blockbuster américain réussi, mais ça plaise quand même. Mais les fans. Mais Marvel, c'est un peu ça à la base. C'est moins deep un peu les histoires que. Ça dépend. Marvel, c'est assez hardcore. Quand tu checks l'exemple, tu sais, comme. Le Wolverine là, qui est à l'écran à Marvel, là, tabarouette, à sticker ça, je trouve que c'est une épée job qu'ils ont fait. Là. Hugh Jackman. Ah, moi je le trouve pas pire, mais tu vois, je suis pas un fan. Looks like Wolverine, but he doesn't act like a Wolverine comme je. Vraiment pas. Quand tu checkes les comics, le Wolverine, c'est un moitié samouraï, moitié mexicain, moitié comme. Il est weird le Wolverine, là, exemple. Là. Ouais, c'est vrai ça. Tu sais, comme il y a un honneur de samouraï parce qu'il a passé beaucoup de temps en Chine, puis en même temps, il est vieux depuis comme la Deuxième Guerre mondiale, puis. Je trouve que c'est vraiment jamais reflété avec lui à l'écran. Tu sais, exemple, dans les comics présentement, t'as une série carrément with Wolverine qui s'appelle X-Force, puis sa job, c'est de tuer du monde. C'est vraiment comme... C'est très graphique, là. Quand il clore quelqu'un, là, tu vois les tripes sortir, puis tout, là, comme il tue du monde carrément, là. Ah, puis avec des X-Men comme classique, comme Angel, puis tout, qui chope du monde en deux, ils en font de même. Ouais, là, mais Wolverine est badass. Tu sais, Marvel, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire que j'adore comparé à DC, c'est que c'est des gros hit and miss, parce que il tackle les issues politiques qui se passent présentement, puis il essaie de mettre comme. On va dire que des héros dans notre vrai monde, plus. Ouais. Tu sais, comme DC, ils ont un univers à eux autres, que oui, même s'ils utilisent des noms de villes, comme ils essayent vraiment pas de se mettre dans le vrai monde présentement. Là. Ils sont dans leur propre monde, puis c'est cool, tu sais. Mais Marvel. C'est tout le temps à New York, c'est tout le temps c'est ça, dans c'est des villes qui existent. Ils essayent toujours d'être dans des conflits politiques, des choses comme ça. Tu sais, quand ils ont fait le Civil War, mais tu sais, on sait tout qu'aux États-Unis, on a eu un Civil War. Tu sais, ils essaient toujours de faire des paraboles avec des affaires qui sont déjà passées. Tu sais. Mais ils servent souvent d'affaires d'actualité. Là. Comme dans Spider-Man, l'été passé, il y avait une affaire avec les puces de lit ou je sais pas quoi, puis ils s'en sont servis pour faire des affaires des puces mutantes qui devenaient immenses. Ouais. Genre, dans Spider-Man, justement, ouais. C'est ça. Ça part des puces de lit, comme l'invasion de puces de lit à New York, puis ça mute en plein de mini Spider-Man ou je sais pas trop. Là. Non, c'est ça, fait que quand on regarde l'exemple, le film qu'il a fait avec les Avengers, Josh Whedon, numéro 1, avec son background, d'avoir fait des séries comme Buffy, je pense, Firefly, il avait écrit. Ouais. Firefly, personnellement, moi, je suis pas un gros sci-fi dans ce coin-là, mais exemple, Buffy, quand j'étais jeune, j'ai capoté, moi, quand je regardais ça, là, c'est numéro 1, là, 14 ans, Sarah Michelle Gellar, ouf, ça coche, là. Mais tu sais, puis après ça, comme... Quand t'as 14 ans. Ouais, c'est ça. Mais tu le sens... Mais encore, ça coche, là. C'est un Michel Gellar, mais là, je regarderais pas Buffy encore présentement. Là, ouais, c'est ça. Mais tu le sens dans le film que c'est un gars qui connaît son shit, comme on dit, parce qu'il y a plein de petites références dans le dialogue, que c'est des clins d'œil à quelque chose. Oui, sa série des Astonishing X-Men, là, qu'avait écrit Joss Whedon pendant plusieurs années. C'est une des meilleures représentations de la série X-Men qui a jamais été écrite encore aussi. Ouais. Fait qu'il... Il a un super bon knowledge du Marvel Universe, puis il l'a vraiment bien appliqué dans le film. C'est comme tous les personnages, ajuster un minimum comme tous les personnages. T'sais, moi, personnellement, s'ils feront un Avengers numéro 2... Ça va se faire, c'est sûr. J'aimerais ça qu'ils prennent Josh Whedon numéro 1 encore, mais comme faudrait qu'ils fassent quasiment comme s'ils veulent attirer le public pour aller revoir, pour faire aussi des bons chiffres, faudrait honnêtement qu'ils fassent plus New Avengers que Avengers 2. Ah ouais? Comme ça, ils mettent Spider-Man, ils mettent Wolverine, ils mettent d'autres mondes que le monde sont habitués de voir à l'écran, qui sont déjà établis, puis en même temps, ça laisse le leeway des autres acteurs. C'est sûr, tu peux pas avoir tous les mêmes acteurs. Puis en même temps... Avoir 6 acteurs de ce calibre-là dans le même film, ça coûte cher. ça prend des contrats, puis ça prend du temps pour eux autres de localiser. Ouais, mais... tu pourras pas toujours les avoir à chaque quand fois. Quand même, le film le plus rentable à date, je pense, de l'histoire, là, ou le plus de ventes, fait ça se peut qu'ils le fassent aussi. On... ouais, non, ça se peut très bien. Là, t'sais. Si tu fais un New X-Men, du team. Moi, Scarlett Johansson, là, était correct dans le film, là, mais moi, ça serait le premier personnage à sacrer le camp. Ouais. Puis t'en ramènes des plus puissants. Moi, je mettrais The Wasp numéro 1. T'enlèves-tu Hawkeye? Ok, moi, c'est le contraire. Je le mettrais plus sur le forefront dans le prochain film parce que c'est plus le côté, pas Joe Blow, mais tu sais, il n'y a pas vraiment de superpower, Hawkeye. Okay, il est juste vraiment un gars qui est vraiment bon avec ses arc and bow puis qui a fait ça toute sa vie. Tu sais, un peu comme t'sais, Black Widow. Là, Black Widow est aussi, juste mais une qui est... je trouve que c'est le même personnage, les deux mâles femelles. C'est comme si tu jouais à Diablo, tu ferais un assassin, mais le Hawkeye, c'est le gars, puis Black Widow, c'est la fille. Là, ouais. c'est un peu ça à la fin, tant qu'à moi, même sur des technicalités vraiment différentes. Je trouve que dans le film, ils servent le même purpose. Ouais. Fait que moi, si tu fais pour faire un autre numéro 1, faut que tu mettes Wolverine, parce que même si c'est pas le Wolverine des comics, moi je trouve drôle le Wolverine à l'écran. Là. On parle vraiment pas du film, ou le film il a même pas existé dans ma tête, le Wolverine movie. Là. Oh, moi je l'ai. Avec John Carter qui fait Gambit. Là. Gambit. non, là, c'est correct. Mais là. Moi je suis pas assez connaissant dans le domaine de des X-Men, fait que... Mais là, on sait déjà que s'ils font un 2 Avengers, ça va être Thanos qui va être le... Ouais, avec les... Moi, quand je connais pas... Ben, super, il est pas supposé être super puissant. Je connais pas Thanos, ouais, mais ça va c'est comme, mettons, un dieu dans l'univers Marvel. C'est comme super plus haut qu'un humain, mais c'est pas comme ils ont... Qu'est-ce qu'ils appellent les Celestials? C'est super compliqué, sérieusement. Là, on pourrait être là, on pourrait faire un podcast de genre 5 heures là-dessus. Là. C'est comme Marvel, ils ont des... Comment t'appelles ça? C'est, tout est en anglais, parce que c'est dur à dire. Non, c'est des DT en anglais, puis comme des forces qui provoquent. C'est comme un peu Dieu qui provoquerait l'univers, mais comme dans l'univers Marvel, mais comme les dieux, c'est même pas eux autres qui font ça. Comme les dieux sont encore plus bas que ces mondes. Ils appellent ça les Celestials, puis okay. C'est le monde qui utilise les forces comme Death, Life, puis okay, ouais. Des choses comme ça. Puis exemple, comme Thanos, lui, est en amour avec l'entité de Death. Comme lui, tout ce qu'il fait, c'est pour essayer d'être impressionné cette entité-là qui est comme la mort en tant que telle. Puis comme la mort est comme personnifiée comme étant comme une femelle, comme un peu, genre. Ouais. Okay. C'est extrêmement spécial, là, honnêtement. Mais moi, j'ai lu des affaires sur le net. Il disait que... T'as-tu remarqué qu'il y avait des explosions dans l'espace, tout ce qui était? Fait que c'est peut-être pas l'espace où ce qu'ils sont. Ils sont peut-être dans le negative zone de Marvel. Plus. Mais ça, c'est quand il y a des explosions. Genre. Parce que quand il envoie, il ouvre le portal à la fin, puis il envoie la bombe, mais ça explose. Dans l'espace, tu peux pas avoir d'explosion. Il y a pas d'air. Dans le negative zone. Ils sont pas dans l'espace, c'est sûr qu'ils sont pas dans l'espace. Dans le negative zone. Ils sont dans une autre dimension. Puis ça, tu le vois quand que Loki fait sa petite scène de méditation. Ouais. Je veux pas vous corriger, les boys, là, mais dans Star Wars, il y a des explosions. Ouais, mais ils sont dans l'espace. Ouais, mais dans Star Wars. Ouais, là, mais George Lucas a une galaxie far, far, far away. Vous avez jamais lu les fine print juste en dessous de cette phrase-là. Where there are oxygen. C'est écrit en dessous. Fait que là, ça fait tout fall in. Tout George explose. A tout pensé. C'est dans le contrat de fine print de Star Wars. Il y a un petit numéro 5 en dessous de Far Far Away, puis numéro 5, Where There Are Oxygen. Ah ouais? Ouais, c'est écrit. Wow. De toute façon, il a rapé ma jeunesse, George Lucas. Comment ça? En faisant le 1, 2, 3, puis en ressortant les vieux, puis en ajoutant des audios. Ah, en tout cas. Lui pis sa barbe. Lui pis sa barbe. Lui sa barbe. Les Avengers. Le tabarnak. Avez-vous aimé Robin Scherbatsky? Robin. Ouais, moi j'ai trouvé. Oui, Maria Hill qui était complètement inutile. C'était vraiment juste pour mettre un nom pour le monde qui lit des comics. Hey, c'est Maria Hill. C'est vraiment tout. elle faisait bien l'assistante. Ouais, mais Maria Hill, d'habitude, justement, c'est l'assistante, mais l'assistante qui aime pas Nick Fury. Maria Hill, son rêve, c'est de remplacer Nick Fury. Puis c'est ça qu'elle fait dans Shield. C'est la base d'Iron Man, puis c'est la base de Nick Fury plus tard. Parce que Nick Fury disparaît, puis c'est elle qui take over Shield. Puis je trouve que cet élément-là, je sais pas s'ils vont s'en aller dans cette direction-là, mais je trouve qu'il y aurait. Ça aurait été le fun que... Qu'on le voit un peu. Quand il y avait le conflit, exemple, qu'il était pas d'accord avec le genre de... Tu sais, les gens, les faces là, qui parlent, là, dont l'acteur que j'ai très bien reconnu, Power Boots, là, qui est là-dedans. Là. Qui, ça? Tu sais, comme Nick Fury, il parle avec comme un... Ouais, il parle avec le conseil, mais de l'ONU, genre. On dirait l'ONU ou juste d'une confédération X, là, je dirais. Là, puis là, il dit, on n'en est pas d'accord avec ce que tu fais, puis nous autres, on va lancer une nuke. Ça aurait été le fun que là, comme il montre vraiment plus que Maria Hill, mettons, et pas nécessairement avec Nick Fury puis qui était d'accord avec eux autres, mais là je trouvais ça spécial qu'elle soit d'accord avec Nick Fury tout le long, parce que les comics ils ont vraiment une relation spéciale là. Ils s'aiment pas vraiment, même elle, Captain America, ils s'aiment pas beaucoup non plus là. Parce que quand il y a eu la Civil War, c'est Maria Hill qui va arrêter Captain America en premier, parce que lui il veut pas se rendre puis se démasquer, puis c'est là, ça qui provoque tout le conflit aussi. C'est Captain America qui décide de sauver du gouvernement. Ouais, mais c'est des affaires qui est dur à un moment donné parce que c'est compliqué l'univers de Marvel. Ouais, l'univers de Marvel, il faut que tu reviennes quasiment genre, en 1996 puis tu commences là. Mais c'est ça, c'est un peu dur dans un film de genre 2 heures. Oh non, c'est sûr, ils ont bien fait ça. Moi, je le film, j'ai trippé du bout à la fin. Là. Ah, moi aussi. Je suis capable de les voir manger. Toutes les bouts avec le Hulk, chapoté. Je suis capable de les voir manger dans les restos à la fin. Ouais. Pour entraînement du choix, moi. Ouais. C'est bon, un bon choix, en place. Avec le Black Sabbath shirt. Oui. Tony Stark tout le long du film. Le quoi? Il y a un t-shirt Black Sabbath. Oui, oui, oui. Iron Man tout le long. Parlons-en, Robert Downey Jr. Quel casting pareil pour Iron Man? Moi, je trouve qu'il l'a. Ah, ouais, il est aussi bon dans Iron Man que dans Sherlock Holmes. Hein. Ben, moi, je trouve que les castings sont bons en général. Là, même pour Scarlett Johansson. Moi, c'est de le voir arriver vers la fin. Scarlett Johansson, ouais, ça a été très bien casté, le film. J'ai très vraiment trouvé ça cool, moi. De le voir arriver à la fin, là, quand Loki est sur le Stark Tower, puis il enlève son saut, puis il se prend un scotch, là, ou je sais pas trop. Hein. Ben oui, puis il se met son petit bracelet, puis après c'est... ça pour son Remote Distance Suit. Là. Ouais, c'est très hot, ça. C'est vraiment hot. Tu sais, justement, quand t'as lu les comics, tu vois mettre le bracelet avec la lumière, mais tout de suite, tu sais que c'est ça qu'il fait, genre. Parce qu'Iron Man, justement, dans l'univers Marvel, là, il est tout cybernétisé au complet, genre. OK. Comme c'est avec sa pensée qu'il contrôle son suit, genre. Wow. Parce que justement, le prochain film d'Iron Man, vous allez voir. C'est ça le storyline qu'on prend. Ah, ils vont en avoir un autre. In Extremis ou quelque chose comme ça, la storyline. Ah, oh, hey, j'ai vu une affaire sur Netflix que c'est comme ça, mais en film animé. Ah, oh, c'est pourri, tout jamais ça. Non, mais j'ai vu le titre passer. Ouais, oh, non, je te dis, mais ils ont fait X-Men, Iron Man, puis Wolverine en animé là, au Japon. Là. C'est comme horrible comme show. Ah ouais? Ah oh, ouais. Le plus hot, c'est en anglais. Avez-vous déjà écouté Heroes? Ouais, moi, j'ai vu un peu, là, mais. En tout cas, un des acteurs de Heroes, comme que j'ai jamais rien fait d'autre, c'est comme c'est lui qui fait la voix en anglais, puis comme Wolverine, a juste l'air d'un ado de 16 ans avec des classes, là. Il a l'air d'une total bit. Là. Oh, non. Ça a l'air d'un porn quasiment. Nice. C'est vraiment laid. Là. En tout cas, fait que. Ouais, le prochain Iron Man, justement, il s'en va pogner la storyline de In Extremis, puis c'est vraiment la storyline que. Iron Man se fait donner une volée par une fille qui est dans un robot, un moment donné comme lui, puis se demande comment il serait capable d'être encore plus hot en tant qu'Iron Man, puis il remarque qu'il y a comme un délai que. Il est quand même un gars dans un robot. Fait que tu sais, quand il envoie une commande, il y a quand même un délai quand il se fait. Fait qu'il décide de cybernétiser son corps au complet pour que ça soit comme lui, le robot en tant que tel, pour comme ça. Que ce soit instantané. Genre, okay, exactement, là, exactement. Okay, mais là, ça veut dire que là, il devient vraiment un super. Iron Man, comme il fait comme. Il pense, puis ses parts arrivent, puis boum, boum, boum, boum, il y a Iron Man. Là. Il sera plus un gars dans un robot, il va être un robot. Hein. Non, c'est un gars pareil, mais c'est comme gars, mais il y a des wires en dedans de lui. Genre, ça, comme c'est expliqué dans la storyline, c'est comme des affaires qu'il met dans sa peau, genre des selles, là, c'est spécial. Là. Ça va avec les nerfs, là, puis ça commence à être intense. Oh, ouais, je pense que c'est la série de Matt Fraction, là, l'écrivain, là, puis... Ouais, ouais, ouais. Une run incroyable, lui, d'Iron Man, là, aussi, là, super mature, puis tout, là, quand on est alcoolique. S'ils font Iron Man 3, ils font Avengers 2, vont-tu partir d'un méga ligné de ben, films de super-héros? Ben, il va avoir Thor 2, déjà. Ben, moi, je comprends pas encore pourquoi ils ont pas annoncé le prochain Hulk, même qu'ils disent qu'ils en feront pas un, mais... Ruffalo a signé pour 5 films. Ouais. C'est très spécial. C'est sûr qu'il va avoir un. Ben, à moins qu'il participe à d'autres. C'est ça. Comme moi, personnellement, qu'est-ce que j'aimerais vraiment, c'est que le prochain Avengers, c'est qu'ils mettent une storyline par rapport, mais que ça finit, c'est tout le monde contre le Hulk. Là. Moi, c'est ça que je veux voir. Là. Ah, parce que toi, tu veux que ça lead jusqu'à Planet Hulk. Pis, ben, pas nécessairement Planet Hulk, mais moi, c'est dans les comics, ça arrive souvent. Comme le plus fameux, je te dirais, c'est vraiment dans les 80-90, le Hulk à un moment donné est allé à Las Vegas, puis il a fucking trashé la ville au complet, puis ça a pris quasiment le Marvel Universe au complet, qui s'en va à Las Vegas et de l'arrêter, puis ils sont juste pas capables. Ça finit à la fin que Thor se pointe, puis même lui il se bat avec, puis il est pas capable. Fait bon, fuck it, il crée une portal, puis il pogne le Hulk, puis s'en va dans un monde par rapport. Tu sais, quand vous avez vu le film de Thor, puis il explique les Nine Realms, mais il l'amène dans un de ces Nine Realms, puis il le laisse là. Bon, ben, on peut pas l'arrêter, on va juste le laisser là. Comme à trasher un world que par rapport, genre. Ah oh ouais. C'est comme la résolution du conflit. Là. Ça arrive souvent dans Marvel Universe que quelqu'un se pointe, le seul moyen de battre le Hulk, c'est OK, mais on va t'emmener ailleurs. Ils ont pas voulu appeler le Sentry. Mais comment il a pas vu le Sentry. Puis comment il ramène. Ouais, mais il ramène après. Dans cette époque-là, le Sentry. Non, il était pas là dans ce temps-là. Il date de quand, ce personnage-là? C'est qu'il est vieux en plus. C'est pour juste qu'il est utilisé. Pas, le Sentry, pas... c'est un personnage. C'est le seul personnage qui est à peu près aussi puissant que le Hulk, je pense. Quelque chose du genre. C'est parce que c'est tellement corny à dire, surtout dans un podcast. He has the power of a million exploding sun. What the fuck that is? Like, I don't know who the fuck pays those writers and how do they come up with those names of powers on what kind of scale we're supposed to establish that the power of a million exploding sun is better than the power of a fast moving car, like I don't understand. Ouais, comme c'est ça, j'ai jamais compris. Des noms random. Là, fait que tu sais, comme le plus random, le nom est d'habitude, selon Marvel, c'est le plus badass que t'es. moi, d'après moi, c'est le même. Là. Parce que je comprends vraiment pas comment que un exploding sun, puis fois un million, là, c'est fort puis pas à peu près. Là. Eh oui. Mais pas aussi fort que le Hulk, pareil. Mais c'est ça, moi j'aimerais ça qu'il, peut-être qu'il, s'il pouvait l'aider jusqu'à Planet Hulk puis World War Hulk. Puis, Ouais, mais ça m'étonnerait parce que Marvel Animated l'ont déjà sorti en DVD, ça. Ah ouais? Ah, je savais pas ça. Planet Hulk, c'est déjà un film animé de Marvel qui est très cool. Surtout si tu me l'as dans HD. Là. Ah ouais? Bon, ouais, là, c'est vraiment basic justement. Sont, les héros de la planète Earth sont tannés de Hulk puis l'envoient dans un spaceship. Puis ils disent on a une mission pour toi, il faut que tu ailles dans le spaceship là. Il fait ok, il rentre dedans. Puis une fois qu'il est en fusée, ben, il envoie un message. « By the way, we trap you, on te veut juste plus sur la Terre, tu t'en vas sur une autre planète. » Puis il revient après ça, puis il fait juste tout leur Christian Volley, là, assez solidement. Ça, c'est la meilleure série de Hulk. Il lande sur une planète pendant un an de temps des comics, il est sur une planète qui s'appelle Planet Hulk, puis il se fait enslave par le peuple qui sont là-bas, puis il se bat comme un peu comme Russell Crowe dans Gladiator, genre, c'est un esclave qui se bat dans l'arène. C'est vraiment bon, il est dans une arène, puis il se bat jusqu'à temps, puis il se bat contre le roi à la fin, genre. Oh, wow, man. Puis le dernier combattant à la fin, c'est le Silver Surfer qui était aussi, ça a l'air, trappé sur la planète, genre, comme le Hulk qui était en chaîne. Fait que le Hulk et le Silver Surfer qui se font un match tout de death à la fin de Planet Hulk, ça, c'était fou. Wow! Hey, c'était intense, en esthétique. Puis là, le Hulk, après ça, devient le roi de la planète. Puis il se marie avec la madame qui est sa planète, puis il y a un kid. Non, c'est quand même fou. La madame est enceinte. Puis le vaisseau qui a crashé, le Hulk avait sur la planète, She-Hulk, c'est sa cousine. Ok, ok. Puis. Quel slot! She-Hulk, là. She-Hulk. C'est épouvantable, ça. Ça fait toujours penser à She-Mail, j'ai ça parler d'elle. She-Hulk. C'est comme si c'est jamais bon, She avec un nom qui suit. Ouais, c'est vrai, genre, ça fait louche un peu. Non, c'est ça, fait que là, il est sur la planète, puis dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le vaisseau dans lequel le Hulk est arrivé, cette weird planète-là, pour une raison quelconque, explose, puis anéantit la planète au complet. Fait que le Hulk, lui, il pense que c'est le monde de la Terre qui l'ont envoyé là, que non seulement ils l'ont envoyé sur leur planète, mais qu'ils voulaient l'exploser là. Fait qu'il revient sur la Terre avec une vengeance incroyable qui veut juste tuer tout le monde. Oh, c'est violent. Ça, c'est ça en comics, c'est la meilleure affaire que tu peux pas y avoir de Hulk. Le Hulk qui revient sur la Terre s'appelle World War Hulk. World War. Comme il atterrit sur la Lune, il pète le gars qui est sur la Lune, Black Bolt. Puis après ça, il s'en va cogner chez les X-Men. Salut, je veux parler à Charles Xavier parce qu'il faisait partie du message quand il est envoyé dans l'espace. C'était Iron Man, Monsieur Fantastique. Xavier, puis... Doctor Strange. Ah, ouais, c'est fou, ça. Va cogner chez les X-Men pour... OK, mais moi, je vais parler à Professor X. Puis là, t'as Beast qui est là, puis qui dit non. Puis là, tous les X-Men, ils commencent à péter le Hulk, puis le Hulk, il leur crisse une volée à toute la gang, là. C'est-tu que Hulk est hot? Il leur donne 24 heures, là. Colossus avec ses mains de métal, genre, puis il plie le métal en arrière, fait qu'il est pogné comme ça, Colossus en métal, c'est assez incroyable. Wow! Puis finalement, il pète tout le monde. Il lance Iron Man dans le Stark Tower, de haut en bas. Ouais, c'est il tout défonce. Iron Man, il a une armure plus grosse que le Hulk. Il appelle ça le Hulk Buster Unit, genre. Il se met dans son armure dans une autre armure méga grosse, genre, puis il se bat avec, genre. C'est assez n'importe quoi. Comme un gros robot des Power Rangers, là, immense, ouais, c'est là. Ça, wow. Belle référence aux années 90. Oh, ouais, c'est... Non, en tout cas, c'est toute une série avec plein de crossovers. C'était quand même de pogner le livre, là, World War Hulk, là. Ah ouais, ça a l'air cool. Ouais. C'est très très très cool. J'aime bien Hulk. Tout ça pour dire que Hulk. Cool. Bien, tout ça pour dire Hulk. Qu'il a été super bien représenté par Ruffalo dans oui. The Avengers. Moi, j'ai tout aimé ce qui s'est fait avec Hulk dans le film. Moi, là. Le segment que tu le vois courir dans le building, comme. Tu vois comme pour le aller gros. L'autre serpent. Le genre de serpent, il arrive, puis tu le vois juste courir dans le building, il défonce tout le monde, puis il saute par la fenêtre, puis il pogne nécessairement par la gueule. Là. Le bout où ce qui. C'est violent. Le bout où ce qui arrive en petite moto, là, cheap. Oh, là. Puis là, il est là avec sa petite moto, mon gars, tout rouillé, mon gars. Genre, on dirait qu'il revient de Cuba, man, avec sa moto. Là. Le... J'ai aussi les affaires subtiles que Whedon a mis dans le film. Comme exemple, Tony Stark dans le Marvel Universe, he's known as. He's somebody that can almost predict the future because he's so smart. Qui ça? Tony Stark, comme Robert Downey, son personnage, Iron Man, il est tellement intelligent. C'est pas qu'il voit le futur, mais il prévoit ce qui va arriver. Genre, il est tellement intelligent, puis il connaît tellement de choses. Il montre deux affaires vraiment là-dessus sur lui dans le film, puis que ça a passé vraiment subtil. Comme à un moment donné, quand il se pointe dans le vaisseau, là, puis justement, il dit le gars est en train de jouer à Atari. Là. Oh, ouais. Quand il se pointe, puis qu'il fait son speech, puis il dit. Depuis quand que comme justement Robin Chabarsky a dit depuis quand que t'es un expert en Robin Chabarsky depuis quand que t'es un expert en nucléaire, il a dit ben depuis last night. Wow. Comme c'est vraiment juste subtil, comme là, lui, il a pogné un livre, puis en une nuit, il a décidé d'être expert nucléaire. Là. C'est complètement attardé, mais c'est comme lui, il était aussi intelligent que ça. Là. Puis là, après ça, plus tard dans le film aussi, c'est qu'il est capable de prédire, il est capable de prendre comme toute la data, puis voir dans quelle direction ça va s'en aller à cause que les affaires sont comme ça, plus dans ce sens-là. Comme dans les comics, à un moment donné, en 1900, comme whatever, qu'ont formé les Avengers, tu vois une image d'Iron Man qui prend un string de hair de Thor, puis il garde ça dans son lab. Puis ils ont utilisé seulement ça en 2000 quelque dans les comics, quand ils ont fait Civil War, parce qu'il a fait un clone de Thor. Ah oh, ouais. Comme lui, il a vu ça aussi loin qu'à un moment donné, Thor il serait mort, puis on va avoir besoin de quelqu'un comme Thor, puis qu'il a fait un clone de Thor. Non? C'est bien débile. Comme des comics, ah, même, bah ouais. Quand il arrive sur la mobilette, Captain America, qu'est-ce qu'il dit à Iron Man? Il dit, You were right, he's here. Comme il avait callé que Bruce Banner se pointerait, même s'il savait pas, parce que lui, comme il savait, parlé avec dans le vaisseau, il savait comment les affaires, puis il savait que no matter where he was, il allait se pointer, genre. Ça, j'ai aimé ça et tout, que Robert Downey Jr., que Iron Man, tu sais, quand il poke, là, il d'un côte, là, il l'écœure tout le temps, puis il dit, tu vas te transformer. J'ai bien aimé quand... on dirait que, d'un sens, il fait, parce que, tu sais, Loki, c'est ça qu'il veut. Il veut être sûr qu'il est préparé. C'est ça, mais dans le fond, c'est un peu ça qu'il fait, genre, de Robert Downey Jr., là-dedans, il essaie de le provoquer, justement, pour... C'est ça, mais c'est pour ça, quand il dit aussi... L'autre, we have an army, puis l'autre, il répond juste, we have a heart. C'est juste ça qu'on a besoin. Ouais, on n'a pas besoin de tout le reste de son équipe. Puis il l'a même dit, il dit, where's Banner? Il a demandé ça à Banner, à Captain America, une couple de fois, puis il dit, he's not here. Il dit, OK, but tell me when he gets there. Ouais. Comme, parce que lui, dans sa tête, comme on s'en fout tout le reste. Tant qu'on a un Hulk qui va se promener dans la série, qui va péter les aliens, on est dans le business. Puis tu sais, même à la fin, c'est Hulk qui récupère, qui pogne Iron Man quand il tombe. Ouais, c'est pas il s'en va pour le pogner. Ouais. Comme Hulk, il fait juste le pogner de loin, genre. Les petits clins d'œil, là, comme Hulk qui donne un coup de poing à Thor après un combat. Là, ah, ça, dans le mur, là. Ça, ah, je pense que c'est l'affaire qui m'a fait le plus rire. Celle-là, puis quand il pogne Loki, là. Mais celle-là, ah oui, mais oui, comme une poupée chiffon. Ouais, mais celle-là de Thor, je sais pas pourquoi, le petit punch on the side, bien sournois, bien direct, bien straight. Ouais, là. C'est qu'ils ont une grosse rivalité dans les comics. J'ai ri, là. Quand il pogne Loki, par exemple, puis qu'il t'a joint comme Loki, une poupée, c'est trop écœurant. Ça fait vraiment comic book, là. Ouais. Au bout, là. C'est vraiment pour montrer que autant que Loki est fort, comme tu le vois se battre avec Captain America au début du film, puis il donne une rince là, à Captain America. Ouais, là, mais pas contre The Hulk. Le Hulk, tu peux pas mesurer son strength. Mais c'est ça qui est hot, c'est qu'en plus, il se vante, il arrive, puis il dit ah, je suis super puissant, puis nanana, puis est-ce que I will not be bullied. Moi, j'ai bien aimé le combat entre Iron Man puis Thor dans le bois. Ouais, c'est très cool. Très cool. Ouais, ce combat-là était vraiment bon. Je suis content que Captain America arrive avec son bouclier, puis la force d'impact entre le bouclier puis le marteau de Thor fait toute péter la forêt. C'était des combinaisons de power assez incroyables là, comme par exemple il y a une petite passe que tu vois Iron Man vraiment voler dans la ville là, puis tu sais sur le shield de Captain America, puis le shield il déflecte en 3-4 plats. Ouais, de l'action partout là, puis par exemple quand il part il dit I'm gonna need a lift, puis il pong le suit de Hawkeye en arrière, puis il part dans les airs avec Iron Man pour aller le mettre sur ouais, ils ont vraiment travaillé en équipe, ça qui était souvent t'as des films en plus qui vont donner de l'action à la fin, un gros 10 minutes comme de fou là, mais je pense que c'est genre une demi-heure c'était finale, plus hard que toutes les Transformers, les scènes de fin. Michael Bay va très bien en passant. Si parle, regarde, moi, t'as dit en anglais, go fuck yourself. Vous l'avez entendu à la genre. Des hélicoptères dans le soleil. Là. Tu vois, ça, c'est une affaire qui est cool dans The Avengers, c'est que t'as le temps de voir l'action. Puis il n'y avait pas d'hélicoptère qui fonçait vers le soleil. N'importe quoi. Dans Transformers, n'importe quel film de Michael Bay, anyway, là, quand il y a de l'action, tu vois. Spider-Man n'a pas passé devant un flag des US, puis Iron Man non plus. Là. Non, ouais, c'est les vrai. Les affaires de Marvel qui me gossaient, là, moi, c'est vraiment. Pourquoi il faut toujours qu'il y ait un flag des US qui se pointe dans le film? Il n'y en a pas dans The Avengers, moi. Non, on n'a pas vu ça vraiment. Parce que tu sais, il s'en sac des US. Hein. Ouais, il s'en sac pas mal. Loki aussi, dans le fond. Hein. C'est... Loki, ouais, mais Loki, il voulait absolument New York. Là, ouais, mais attends, tu sais. Ben, c'est parce que c'est parce qu'ils sont là. Il sac des US, mais il sac pas de la terre. Il veut péter la terre, mais il va commencer par New York. C'est ça. C'est sûr. C'est la grosse place. Par exemple, moi, j'ai hâte que Marvel aussi arrête de comme. Comme ils disent qu'ils font un Marvel Universe, mais ils sont à New York, c'est quoi Spider-Man? Il était dans une classe. Ah, oh, il était pas là du tout. Comme là. Pendant les Aliens, lui prenait ses cours. Comme il était pas là. Il a peut-être pas encore été piqué. C'était peut-être pas sur son coin. Non, c'est pas passé. Non, c'est sûrement Amazing Spider-Man. Puis là, il est pas passé le film encore, fait qu'il pouvait pas le prendre. Ouais, c'est ça, peut-être. Mais t'sais, non, je dis pas qu'il fallait qu'il soit dans le film, mais ça aurait été le fun à un moment donné qu'il fasse une allusion ou quelque chose comme ça. Parce que dans les comics, des fois, il y a des événements que. C'est pas nécessairement les mêmes héros qui vont être dedans, mais tu vas voir quand même un cameo parce que c'est logique que la personne soit là si t'habites chez eux. Ouais, c'est ça. Ouais, mais sauf que tout le monde est. Ah non, c'est pas. Ben ouais, tout le monde se passe à New York, mais à part les X-Men. Non, il y en a beaucoup qui sont en dehors de New York. X-Men, c'est pas à New York. X-Men sont... Ça dépend. Ah, il y en a. X-Men, présentement, ouais, il y en a la moitié à San Francisco, puis l'autre moitié dans l'État de New York. Ouais, c'est ça. Ils sont tout le temps dans l'État, quand même. Je pense que c'est en Nouvelle... Je pense en Virginie, techniquement. Virginie? Ouais. Hey, ça, c'est pas dans l'État de New York. Ça, c'est du geek talk, en tout cas. Surtout que je comprends pas tout. J'espère qu'on vous a pas trop perdu. Le cas de Wolverine, d'après moi, est dans l'État de New York, à quelque part. Ouais. Ben, en tout cas, j'espère qu'on n'a pas perdu le monde qui nous écoute et que vous êtes encore là. Yeah! So, review of The Avenger. Ouais, excellent. Moi, je donne 4.5 popcorn sur 5. Ah, ouais. Ah, facile. Moi, je vais lui donner aussi un 4.5, mais moi, ça sera pas des popcorn. Ça va être des glosettes. Ouais. Aux amandes. Elles sont bonnes aux amandes. Bon, moi, je vais changer mon score pour 4.5 glosettes aux amandes aussi. Moi, juste pour faire différent, je vais dire 4.6. Okay. Tabarouette, man. On va majorer à 4.5. Toi, tu voulais y aller freestyle. Là. Ouais, là, moi, j'ai trippé du début à la fin aussi. Là. Je pensais qu'on y allait par shot de 0.5. J'avais probablement la bouche ouverte, là, puis comme la bague qui coulait tellement que j'étais impressionné devant ce que je voyais. Là. Parce que j'ai hâte de voir le Dark Knight Rises. Ouais, mais enfin, justement. Gros été de comique, moi, de film. Ben, justement, quand je suis allé voir Avengers, j'ai vu le preview de Amazing Spider-Man. Oui. Puis j'ai vu le preview de Dark Knight Rises. Ouais. Puis, Amazing Spider-Man ne m'intéressait pas à cause de l'acteur. Puis finalement, le preview m'a donné le goût d'aller le voir. Ça peut pas être complètement haché, mais ça peut. C'est parce que Spider-Man 3 m'a tellement laissé un goût amer dans la bouche que. Mais c'est-tu moi ou. J'ai pas un hope pour Spider-Man. Avez-vous vu Venom dans le. Non. Dans le preview? Non. C'était-tu Spider-Man qui était genre dark? Ouais. Sûr, j'ai... Ouais. Est-ce qu'il était emo puis il dansait sa rue? Non, il n'y avait pas de. Non, non, ça, il y a une personne qui sait comment faire ça. Puis. C'est Peter Parker version. Tobey Maguire. Quand Tobey Maguire est evil, il se met du gel dans les cheveux. C'est peu, mauvais. Ça, c'est la il se met une couette, puis quand ça danse dans la rue. Puis ah, puis dans The Amazing Spider-Man, ça va être vraiment. Il va pas avoir là, des webs qui vont sortir de ses poignets. Là. Il va avoir genre. Ah, ça va être mécanique. C'est mécanique. Là, ici. Ouais, c'est ça. Mais à un moment donné, il était à peu près temps aussi là, de changer les origines, juste parce que Sam Raimi, ça, il tentait pas d'inclure de quoi dans le film. Ça s'est attardé, moi, je trouve. Là. Ouais, mais dans le fond, il a pas pris la même histoire. C'est pas question de la même histoire. Il y a toujours eu des web shooters, Spider-Man. Ça n'a jamais été un de ses powers qui sortait du web jusqu'à temps qu'il sorte Spider-Man 1 au film. Ça a tellement pogné que le monde qui écrive des comics, bon, ben, I guess I'm gonna start doing that now. Puis, ok, ok, ok. Ouais, puis là, à place de plus avoir de cartouches pour shooter des webs, ben là, c'est parce qu'il croyait plus en ses pouvoirs. Parce que Mary Jane l'aimait plus. Ah, fait que là, c'est à cause de ça, ben, il pouvait plus de shooter de web. Hey. Ah non, c'est-tu pourri, là, ça, là? Hey, non, mais sérieux, regardez James Franco puis Kristen Dunst qui dans une cuisine pendant que je suis dans un film de Spider-Man, là. Et ça, quand je vais y partir, là. Non, mais sérieux. Mais j'espère que Amazing Spider-Man va être bien meilleur. Ouais, moi aussi. Mais comme je te dis, l'acteur, il me fait pas triper. Là. Je trouve qu'il a pas le profil. Ouais, mais tu sais, des fois, comme exemple, Chris Evans, il avait pas mal cette critique-là quand ils ont été. Chris Evans a joué dans les Fantastic Four en plus. Là. Ouais, c'est ça, le Human Torch. Là. Ça me buguait un peu au début, mais finalement, j'ai comme pas. Autant que Morpheus comme Silver Surfer. Quoi? C'est Morpheus qui fait le Silver Surfer, même si comme sa voix, là, c'est Morpheus. C'est Lawrence Fishburne? Ouais. Ah, ça fait du porn. Hein? La fille. Lawrence Fishburne a fait du porn. Elle fait du porn? Oh, elle est vraiment dans Matrix. Elle a compris que c'était une Matrix. Elle a dit, je m'en calais, je vais faire du porn d'abord. Hey, sur ces sages paroles, on revient. GF! Oui! Cette semaine, qui vient de passer, le 22 mai. Oui, le 22 mai. On a eu le Tweetide. On est allé au Rachel Rachel pour couvrir le Tweetide cette année encore une fois, pendant que Guillaume fouille dans mes comic books. Ouais, c'était vraiment cool. Ouais, c'était vraiment hot. L'année passée, c'était au Chaud Lapin, cette année, c'était au Tweetide. Il y avait une différence cette année, c'est qu'il faisait pas beau, il pleuvait. Cette année, c'était au Tweetide, ouais. Qu'est-ce que j'ai dit au Twitter? Au Rachel Rachel. Au Rachel Rachel. J'essaie de parler trop bien. Ouais. Alors, donc, c'est ça, il pleuvait cette année. Ouais. Donc, il n'y avait pas de terrasse extérieure, mais c'était pacté. Mais c'était plus grand. C'était plus mais grand. Mais c'était plus pacté aussi. Puis c'était plus fun cette année aussi, je te dirais. J'ai plus aimé l'ambiance. J'ai tripé pas mal. Il y avait pas mal de bouchées. On a manqué les petites poutines, j'en reviens pas. Ouais, il y avait. Qu'est-ce qui s'est passé aussi qu'on était. On a mangé ces petites poutines-là. Moi, j'en ai pas eu. C'est-tu parce qu'on était dehors et on prenait des images du Rachel-Rachel? Peut-être, ouais, on s'est fait. On a manqué la poutine. On a mangé quand même du canard puis du foie gras. Puis on a mangé une couple d'affaires pas payées. Là. J'ai mangé un sushi. Framboise. Toi qui aimes tant les framboises. J'aime pas les framboises. Mais le pire, c'est que c'était quand même bon. Tu sais, je veux dire, j'aime pas les framboises, mais bon, je peux pas dire que son sushi était dégueu. Là. Ben regarde, juste pour résumer vite, le Tweetite, c'est organisé par WikiJeff sur Twitter pour Action Tox. C'est Action Tox. On était synchro là-dessus. C'était beau. Et Action Toxicomanie Libois-Franc pour aider les jeunes qui ont des problèmes avec la toxicomanie. C'était pour ramasser des fonds. Alors, c'était un tweet-up, si on veut, avec le gratin était là. Même Denis Coderre est venu nous parler. Denis Coderre. Il y avait beaucoup de personnalités. Ouais. On a vu... T'as finalement pu prendre ta photo avec Marie-Mé, que t'as été trop gênée l'année passée pour faire. Ben oui, mais tu sais... Tu n'as pas demandé de te pogner une fesse, par exemple, sur la photo? Non, pas Saint-Marie. Mais c'est pas grave. Marié à Hollywood, normal. Hey, on n'est pas à Hollywood, là, on parle de Montréal. Là. Ben ouais, mais les autres, ils pensent qu'ils sont à Hollywood. Ouais, Marie-Mé était là. T'as pas osé. J'ai pris une petite photo avec Marie-Mé. Bon, elle avait l'air bien contente. Là. Ouais. Qui qu'on a vu aussi qui était là? La cochonne. Un bon input de Guillaume. Merci, Guillaume. Maxime Martin, Jean-Thomas Jobin, Dominique Arpin, Simon-Olivier Fecteau qui nous a jasé pendant un bon 10 minutes. Ouais, on a jasé. Tu sais, s'il nous écoute là, présentement, on lui a dit qu'on faisait un podcast et qu'on parlerait de lui. Oui, on a certainement dit ça. On a eu le temps. Puis ouais, c'était pas mal, il y avait beaucoup de monde. On a vu au loin un moment donné Dan Bigra qui était là. Il y avait les dragons qui étaient là, trois dragons. Ben du monde. François Mascotte. C'est parce qu'on peut pas vraiment tout commencer à les nommer parce que c'est comme c'est beaucoup trop du name dropping. On veut pas dire, on était là, regardez-nous là. C'est parce qu'on va en oublier plein là, de toute façon. Ouais, mais d'ailleurs, Dave, t'as pris plein de photos. Moi, j'ai pris des vidéos, mais je sais pas que ça a donné. On n'a pas beaucoup de vidéos, mais on a de la photo. Là. Je les ai données à WikiJeff. Devrait être disponible en ligne. Sur twitter.ca probablement. Ouais. Il y a également les photos de Truth Is My Name. Truth Is My Name sur Twitter. Alex, que j'ai pas son nom de famille, mais qui a pris des photos. D'ailleurs, il y a une excellente photo de toi et moi en train de boire une bière. Il y a des très bonnes photos. Mais ouais, il y a un bon style. Un bon équipement. Il alterne entre du noir et blanc puis de la couleur dans ses... J'en ai fait un peu de noir et blanc aussi parce que des fois, il y avait des photos qui sortaient moins bien en couleur. Là. On vous invite à aller voir ça. J'imagine qu'il va y avoir une troisième édition l'année prochaine du Sweet Time. Ouais. Écoute, si Jeff veut encore nous autres, on va être encore là. On va être encore présents. Nous autres, on est partants. Ouais, on a rencontré du monde intéressant. J'ai parlé à quand même couple de personnes. On a parlé un bon bout avec Alex Cornelier de Mac Québec. Intéressant. Comme on dit, avec Simon-Olivier Fecteau. Parler avec quand même On a vu Yann Thériault sur la rue en plus. Ben ouais, Yann Thériault. On l'a croisé. C'était fou. Il était là, Yann. Il a pris une photo avec Denis Coderre en plus. Ça surprend pas. Il était gâté. Denis Coderre, là, faut se le dire, c'est Denis Coderre. Ah hein? Oh, ouais. Sympathique bonhomme. Sympathique. Spécial? Ben, non, il est très avenant, je te dirais. Ouais. Fait quoi dans la vie, Denis Coderre? Un politicien. Il sert beaucoup, beaucoup, beaucoup des médias sociaux. Il est tout le temps là, puis il vient de parler. C'était là, c'est sûr qu'il vient de parler. Tu sais, comme hier, là, il tweetait sur le match de boxe. Là. OK. Tu sais, il parle de hockey tout le temps. Quand il y a les matchs de hockey, tu sais, il est comme... Un genre de gars qui aime ça parler au peuple. Ouais, c'est ça, un genre de gars que tu veux à Marie de Montréal. Là, genre, ouais, quelque genre. Quelque chose de genre. Là. Plus que Tremblay, là, s'il vous plaît. Je vais fugir à demain. Là. À Marie de Montréal? Ouais, je passe en cours demain. Okay. Oh, qu'est-ce que t'as fait, mon maudit salaud? Ah, moi, faut que j'aille témoigner selon le salaud qui était souple que je m'achète ma voiture. Ah, oh, le tabac. Ah oui, t'as eu un accident. Qu'est-ce que t'as fait dans dedans? T'as eu un accident pendant que t'étais pas dans ton char? Non, il est dedans. Ah, t'es dedans? Il a peinturé parce qu'il était souple puis il a smashé ma voiture. Fait un an de ça. Ah, ouais, bravo. C'est pour ça que maintenant, Guillaume se promène avec Commune Auto d'ailleurs. Yeah. Ce char-là, il est dead. Oh, il est mort, là. Coussin gonflable en face et tout. Là. Ah, c'est intense. Mais t'es intense, le coussin gonflable en face, tu fais le saut. Ouais, je savais pas qu'il y a de la poudre dans ces affaires-là. Ouais, c'est. Spécial, non, je l'ai sous le choc quand ça avait frappé sa gueule, fait que j'étais comme à l'eau. Tu t'es pas brûlé la face avec le coussin? Il y en a qui perdent connaissance. Il y en a qui se brûlent la face, tu sais, avec le coussin. Non, mais ça, je peux comprendre, par exemple, le monde qui perd connaissance. Connaissement, il me rocker quand c'est comme à l'échelle, slugger sa gueule. Oh, un bon coup. Parce que dépendamment, ça dépend comment tu te fais ramasser, là, si l'impact est violent avec ta tête, là. C'était pas si violent que ça, c'est vraiment parce que j'étais plus... Parce que je me suis penché par en avant pour voir le gars, il arrivait de où quand j'entendais klaxon. Fait que c'est vraiment vu que j'étais penché par en avant, puis le char a frappé en même temps. Mais t'étais... Ça fait comme ça, puis là, pow de merde. T'étais-tu arrêté, toi? Non, moi, je suis... Tu roulais? Le monde sort à Montréal, là, je suis sur le coin René-Lévesque. Puis il arrivait d'où? Saint-Laurent, boulevard Saint-Laurent. Vous savez où sont les gates de Chinatown, Saint-Laurent? Ouais. OK, ben lui, était à la gate en bas, puis il voulait s'en aller monter. Tu sais, fait que dans le fond, monter Saint-Laurent. Okay, moi, j'étais sur René-Lévesque dans la voie du milieu, puis je m'en allais vers la 720. Je m'en retournais chez nous. Là. OK, ouais. Fait que je suis dans la voie du milieu, la lumière est rouge. Quand la lumière a fait verte, là, je pars avec le char. Puis il y avait un char à ma gauche, puis une petite chance qu'il y avait un char à ma gauche. Char à gauche, il part. Puis là, je vois à un moment donné qu'il freine sec. Puis là, à un moment donné, par réflexe, comme je vois, fait, je lâche la pédale de gaz, tu sais, m'en dire ce qu'il veut, là, lui, tu sais, parce qu'il klaxonne. Mais tu sais, moi, je vois pas, vu que le char était là. Fait que dans le fond, lui, il essayait de me montrer. De te dire qu'il y avait un char qui s'en venait. Char, là, mon homme, il s'en venait, là. Pouf! Comme il a jumpé la gate, la petite côte de Saint-Laurent, il s'en est full pin. Si j'avais pas lâché le gaz, il me smashait en côté direct. Si bois. Fait que là, il a frappé le comme vraiment comme côté avant du char. Là, mon char a fait donc, deux petits tours sur le coin Saint-Laurent-René-Lévesque. Ouais. Puis là, mes airbags étaient partis, puis tout, là, oublie ça. Là, quand j'étais allé le voir, le gars était complètement fini. Wow. Puis après ça, quand j'étais retourné à mon char, ben, vu que c'était juste ça, que j'ai pas pris mon cellulaire comme un cave. Fait quand j'ai vu que le gars était fini, puis j'étais prêt à avoir une conversation cohérente. T'as dû bon, fait que j'étais comme, bon, c'est un pogné sa plaque, parce que lui, c'est sûr que ça se passe pas bien. Fait que je m'en vais à mon char, parce qu'à place d'écrire avec papier crayon, on va prendre une photo, ça va être ça. Le temps que j'étais allé au char, il est parti. Ah oh, ouais? Ah non. Fait que lui, c'est. Dans le fond, je m'en vais témoigner pour un hit and run. Là. C'est bon, ok, t'as même pas pris ça. T'as, wow. T'as pas eu le temps de voir la plaque à rien. Mais ils l'ont retrouvé quand même. Ils l'ont retrouvé le même soir. J'étais dans le backseat du char de police en train de remplir le rapport pis tout. Puis j'ai entendu se faire le caller sur le CB. Il a pogné un char qui a smashé comme il. Ça a l'air que. Comme, j'imagine dans ma tête qu'il a fait ça sur Saint-Laurent, en frappant deux, trois chars de même, là, parce qu'il était complètement fini. Là. Ah ouais, il était clairement underage aussi, là, tu sais. Fait que d'après moi, c'est. Papa et maman, ils risquent d'être là demain aussi pour lui. Oh. On va leur montrer que je suis fâché. Ouais. T'es pas content. Ouais, moi, je veux des millions. Hulk. Aux États-Unis, je serais millionnaire pour ça. Ah, c'est clair. Tu peux les actionner pour dommage au cerveau, quelque chose. Là. Oh, ouais, moi, j'ai des problèmes érectiles depuis. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est ma chance. Maintenant, là. J'ai la tourette. J'ai la tourette. C'est calice. C'est tout pour cet épisode numéro 6 de La Jazette, propulsé par Young Media. Un épisode rempli de boxe. De boxe, de comic book. De comic book et... De Guillaume. Ouais, j'espère que j'ai pas trop parlé. Là. Non, c'est très intéressant. On va you just never shut up. I never do. C'est pour ça qu'on est content de t'avoir sur le podcast, justement. Ah, ça. C'est bon, non? Je vais revenir. C'est une expérience. C'est mon premier podcast. Là, hey, là. On est là pour jaser. On a introduit plein de monde qui n'ont jamais fait de podcast au podcasting. C'est pas ça de dire ça. On introduit du monde, moi. C'est louche, hein? Je trouve ça vraiment bizarre d'introduire quelqu'un. Moi, j'aime ça m'introduire. Je rentre dans la conversation. Ouais. Tant que ça reste dans la conversation. Introduce myself. Yeah. Fait que, donc, comme on a dit tantôt, allez voir les photos du Tweeted sur tweeted.ca. Ouais, oubliez pas vos casseroles chez vous aussi. Si vous êtes une gang d'étudiants attardés, vous voulez faire du bruit et gosser le monde qui paye leur taxe. Hein? Frappez-les vos casseroles, ma gang de cave. En tout cas. Un beau petit statement. Mais on aime ça finir sur des statements politiques à la jazette. C'est sûr, c'est une grosse proteste. Là. Ouais, mais... Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Ouais. C'est sûr que vu de même, là. Vous faites votre point. Non, on l'entend. Ben, ouais, en tout cas, on va voir qu'est-ce que ça va faire. Lève notre verre au député de Mercier qui nous dit de désobéir la loi. Quoi? Vous avez pas vu la conférence de presse quand il était là, en train de parler? Non, je manquais ça. Ouais, pas, tu sais quoi son nom? Supposément que c'est un fasciste, là, ce gars-là, puis il est fucking insane. Là. En tout cas, j'adore ça qu'un député officiel, no matter what, c'est quoi ses beliefs, il était là, puis je suis pas d'accord avec les étudiants, je suis pas plus d'accord avec le gouvernement. Je trouve que les deux, c'est un autre conflit exactement mal géré qu'on a au Québec. Wow. Ah, c'est clair. Un de many, tu sais. Mais à la fin, moi, je trouve ça fou, pareil, qu'un député officiel qui s'est permis, comme ils disent qu'ils vont arrêter le monde avec des chandails rouges, puis qu'ils promettent le rouge, comme ton mur il est rouge, vont-tu venir t'arrêter? Ça n'a aucun sens, là, comme loi. Là. Jeff, on proteste, Dave, Jeff, t'as des écouteurs rouges en plus en à la même tête. Temps, ça ah, j'ai des écouteurs rouges à la tête, puis Jeff, t'as un mur rouge dans ton bureau. Que les caméras vont être là, mais que la police n'arrêteront pas un gars qui est là, dit écoutez, là, moi, les lois qui n'ont pas de sens, moi, je vous dis que vous devriez dire non à cette loi-là et désobéir. Hey, écoute, le clown, non? Ben, c'est ça qu'ils font. Dire au peuple de dire de désobéir la loi, c'est même le fun, mais ils vont tout aller en prison, puis toi, c'est quoi, t'iras pas en prison, mais tu vas leur dire ça. Ouais, mais sauf que là, la police n'applique même pas la loi. Là. C'est une pour l'instant, c'est une désobéissance. D'accord, mais c'est juste qu'à la fin, que t'es un député officiel, passe par les bons channels, fais ta job comme du monde, mais t'as pas d'affaire à aller devant une caméra puis dire à du monde de mais désobéir. Mais c'est tout, depuis qu'il a passé la loi, il y a encore les manifs, puis tu sais, c'est la désobéissance civile, mais il y a pas eu de graveur, je tant que ça. Ben, tu penses qu'on va tailler la police en tant que mieux, ils vont plus tant venir mieux, arrêter si tout le pas... monde à tous les coins du Québec. S'il y a du grabuge, là, le message passe encore moins. Ben, tu vois, là, le monde qui a fait le grabuge sont plus là, mais le monde qui sont en manif sont encore là. Je vais dire une affaire, tant qu'à ça, j'aime mieux le monde qui sort avec leur rosti de casserole, puis qui tape, puis font ling ling ling sur leur casserole, que du monde qui pète des vitres, man. Ah non, mais ça je dis, là, allez-y, facilez vos casseroles, là, votre point ne passera pas plus, mais au moins, ne faites pas chier le monde. Là. Au moins, ils vont pas péter. Non, mais au moins, on va parler de nous autres au niveau mondial, puis j'ai vu une pétition mondiale pour comme la démission de Charest, là. C'est rendu à ce point-là. C'est ouais, mais ça n'a aucun sens, là. Votre bout de papier, là, même s'il est électronique, il n'a aucun sens, puis il n'ira plus nulle part. C'est pas même pas une question que ça passe ou pas, c'est juste un symbole de, comme mondial de montrer que c'est les étudiants qui pensent que Charest. Un symbole d'un autre peuple qui va juste, on l'a élu, ce gars-là, mais là, on le veut plus. Ouais, mais on l'a élu à quoi? Il y a 15%. 5% de la population qui a voté. Ouais, ah, mais c'est exactement la ça. Les étudiants n'avaient même pas le droit de voter. Je refuse de voter parce que n'importe qui qu'on aurait mis là aurait eu fait la même astuce d'affaires. Pauline Marois, Marois qui était mais là, c'est dégueulasse, aux nouvelles là, 5 ans, puis que son plan c'était de mettre une hausse à l'éducation, là, parce qu'elle n'est pas élue, elle va nous parler de comment qu'elle abat la loi de la hausse. C'était dans ses propres plans et sa propre campagne électorale de faire une hausse. Ouais, puis il n'y a pas eu Charest qui était pour le gel aussi des frais de scolarité. Ah, ils sont incroyables. Ouais, c'est ça. Ils veulent bien vendre ce qu'ils veulent, dans le fond. Là. Ah, sur cette note politique, on va arrêter de chialer. Ça me manque, Christ, tout ça. C'est de la merde! Ah, moi, si je me ramasse sur Champlain et il y a des étudiants qui me bloquent, là, ben pepper spray, motherfucker. Pepper spray. Mais tout ça pour dire que... taser gun. Oh, ça met une ambiance de merde sur Twitter, cette grève-là, par exemple. Il y a, y a juste du monde qui vient te dire, comme te mettre dans leur face, vous pensez pas comme moi, vous êtes des caves. Hey, c'est un gros pop crawl qui dure depuis un mois et demi. C'est une... Moi, tant qu'à moi, c'est ça. C'est du monde qui se rassemble ensemble. On va faire voir, aller se promener 2-3 heures dans la rue, après ça, on s'en va au bar. Ok, cool. Et à la fin de la journée, c'est maman et papa qui mettent pas leur culotte et qui disent pas à leur étudiant d'aller juste attendre devant l'école comme le reste du monde jusqu'à temps qu'elle réouvre. Parce qu'à la fin de la journée, là, combien qu'il y en a dans cette qui sont vraiment en merde? Sérieux, t'es vraiment dans la merde, t'ouvres tes livres, tu vas te chercher des A+, puis le gouvernement va payer ton étude. Sérieusement, là. Ils appellent ça des bourses. Comme, qui performent à l'école, là, puis ils vont te payer ton étude. T'as même pas besoin de faire ça. Moi, le monde qui font ça, c'est du monde qui ont des genre 60% puis qui pensent qu'ils vont avoir une carrière avec ça. Comme quand tu vas au cégep, comme quand t'es au secondaire. Tu vas chercher ton 61, pas ton 59. Là. Mais, tu vas l'avoir ta classe. Mais Guillaume, il y a un point par exemple là-dessus, parce que tu sais, quand t'as comme 16, 17 ans, tu vas faire des visites de cégep, t'es au secondaire pour choisir ton cégep. Puis c'est tout le temps le gars de l'association étudiante qui vient te parler. C'est tout le temps un dude de 30 ans, pas rapport, qui est encore au cégep. Comme, what the fuck? Ça fait trop longtemps qu'il est au cégep. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah, mais c'est le même gars que quand tu travailles un travail, le monde qui sont responsables de ton union. Là. C'est toujours un gars avec une chemise flyée à moyenne. C'est comme la fille qui est. Lui, elle bat la compagnie qui travaille pour. La fille qui est présidente de la FERC, là. Ouais. C'est-tu moi ou. J'ai rien contre, là, mais il me semble qu'elle a l'air plus vieille que. Que tout le monde. Que toutes les autres. Ben, tu sais, c'est sûr qu'elle est à l'université, là, mais je veux dire. Mais tu sais, comme Guillaume, il dit, en plus, les syndicats, on pourrait en parler longtemps, toi, puis moi, Guillaume, on a travaillé dans un hôpital ensemble pendant comme peut-être 7 ans. Là, la c'était... morale de l'histoire, c'est si t'es capable de faire un hashtag sur ta fucking émeute, ben, tant qu'à moi, t'as déjà trop d'argent pour être capable de faire un hashtag avec ton cellulaire, puis va-t'en à l'école. C'est sérieusement, à moins que tu le fasses de ton ordi chez vous, là, n'importe qui a un cellulaire qui a l'air de faire des tweets, ben, descends ton crise de plan, là. Mets ton 40$ par mois ailleurs, là, puis tu vas les payer tes études. C'est parce que c'est con là, à dire là, à la fin. Là, c'est... Je sais pas si vous êtes pas d'accord avec le coup du gouvernement, vous êtes tous supposés arrêter de travailler puis tout. Là. Voyons donc. Là. Ouais. Sur ces t'es pas content avec ton boss, Dave, tu vas-tu aller faire le pieu devant chez eux? Puis ding, ding, ding, ding, voilà ma race. J'ai amené mes casseroles demain à job. C'est sûr qu'à un moment donné, faire bon, ben Dave, il a fait un point avec sa casserole. Ah, ils vont me donner une augmentation. Non, demain, j'arrive avec sa casserole. Demain, je sors la Tefal puis la cuillère de bois. La Tefal. Attention, pas briser ta Tefal. T'as pas d'argent pour t'en acheter une autre. Non, mais ma Tefal, c'est ma moyenne. Le king shit de l'émeute, t'es même pas capable de payer son loyer parce que lui, il faut qu'il aille à l'école pour apprendre à écrire un chèque. Un chèque, le gros. Tu mets pas 1000$ dans une enveloppe puis tu mets ça à quelqu'un pensant qu'il va l'avoir. Tu sais, je peux te donner un truc. Tu peux mettre 1000$ dans une carte, peut-être. Personne ne va le voir. Mais dans une enveloppe, on voit que 1000$ dedans, on va le prendre. Ah, c'est sûr que c'est assez visible. 1000$. Ouais, mais de toute façon, même si. Il n'y a pas personne qui le prend, même si c'était le propriétaire qui l'avait complètement attardé comme défense. T'as aucune preuve. Le propriétaire, il l'a peut-être pris. Il a dit, je n'ai pas un Star Crook, ce gars-là, juste en partant. Parce que, gars, je t'ai pas donné de reçu pour ça. Là, t'as rien. C'est un gars qui dit qu'il y a des points. Le gars, il fait autant crédible que Coney. Là. Nous autres, quand on appart, là, un moment donné, là, parce que moi et Jeff, on a déjà été en appart ensemble avec Alex Galipo, qu'on va recevoir. Premier invité, probablement, mais qu'on soit prochain local. On a déjà été en appart ensemble, les trois. Puis c'était une année assez folle. Ouais. Puis on payait notre loyer souvent cash. Ben même tout le temps cash. C'est vrai. Mais il nous faisait des reçus. Ouais, il donnait un reçu. À chaque fois, il nous faisait un reçu comme quoi on avait un mois payé. Exactement. Pour tes taxes, des affaires de même. Ben même à ça, juste pour avoir une preuve que t'as payé, calice. Mais lui, il étudie en quoi? Sciences sociales avec un bac dans négativité? Je sais pas. Je comprends pas. Je sais pas. Ah ben écoute, sur ces sages paroles, ben... Guillaume Comeau, merci d'avoir été là. Ah, ça fait un plaisir. Guillaume, qu'on peut suivre toutes ces divagations sur Twitter. Ouais, Iclesio. I-C-L-E-S-I-O. Beaucoup de tweets qui sortent des toilettes. Oh, ouais. C'est... T'es un tweet shitter, toi aussi? Ouais. Tweet on the can. Ou un shit Twitter. Ou moi, j'appelle part ça of my tweet. Morning daily moi, j'appelle routine. Ça un tweet on the can. Un tweet on the can is the way to go. Mais ça se fait tellement bien. Ben, j'avoue que je check mon Twitter on the can. Tu dis, quand t'es en train de forcer, c'est là que ton cerveau travaille. C'est là que l'inspiration c'est bon point. Bon point. C'est pour ça que je fais des fois aussi du draw something on the can. Ouais, moi aussi. Ça inspire. Ça donne l'inspiration. Quoi tu draw, là, pour être sûr? C'est ton iPhone. Ah, ok. Une belle application. C'est genre, fais-moi un dessin version iPhone. Là. Ah, mais t'as-tu pogné le Augmented Reality? Non, pas encore. C'est quand même drôle. Sur les comics, à ce temps, tu peux scanner ton comic. Oui, là, oui, oui, j'ai vu ça. Tu te promènes sur la page. Welcome to Avengers vs. X-Men. Today, we're gonna learn about this and this and that. Ah, oh, ouais. Wow. Tu peux mettre ça, tu peux mettre ton, comme la caméra de ton téléphone sur le comic book, puis t'as des extras, ils te montrent comment ils ont dessiné, ils parlent des affaires. Ah, oh, ouais. Ah, c'est cool. Hey, là, ça commence à être intense. Ouais. Oui. David Thibodeau, oui. Merci d'avoir été là encore merci. Une fois. Ça fait un plaisir. Une autre grosse semaine pour Yank avec le Tweetide. Ben oui, on était occupés. Dave, ça m'a fucké toute la semaine, ça. Moi aussi, ça m'a comme troublé. Je sais pas pourquoi. J'étais fatigué après ça. Puis... Ah, pas facile. Pas facile. Non. Fait chaud aussi, ça tape. Peut-être, ouais. Peut-être que j'ai un peu le goût de travailler après. Où c'est qu'on peut trouver Dave sur les intertubes? Sur Twitter, Mr. Miniweed, MR_Miniweed. Ouais. MR_Miniweed sur Twitter. Puis sinon sur... Google Plus. Bof. Oui, oui pis non. Je suis là, mais je suis pas là. Ah, la dernière fois que j'allais voir Google Plus, là... Y'a-tu quelqu'un qui est vraiment là? Il y a Belle Lurette. Il y a Belle Lurette qui est là. Oh, ouais. Il est là pour tout le monde. Ouais. Lurette. Et puis moi qu'on peut retrouver sur Twitter aussi, JF Cron. Donc JF C-R-O-M-P. Lisez mes beaux tweets de n'importe quoi. Straight Out J. Straight Out J. Je sais pas, j'ai comme arrêté de le faire. C'était une idée pour un projet qui a abordé. On peut-tu te trouver sur Google Plus? Ouais, je suis là, moi, je tweet. Je pose des affaires, sur mais. Google Plus? Je fais juste mettre nos affaires à nous autres dans c'est le fond. T'es actif. Hein. C'est débile. Je suis probablement le user le plus actif du Québec sur Google Plus. Probablement. Le seul. Les deux seuls que je vois passer, honnêtement, c'est comme Trey Radcliffe puis, ouais. Léo Laporte, là. Léo Laporte. C'est ça son nom? Le gars qui fait les affaires tech en anglais, là? Oui, le lab. Okay, Léo le lab Laporte, avec Léo Laporte, lui, il pose tout le temps. Puis Trey Radcliffe. Ouais, il est fou, Trey Radcliffe, puis un autre photographe que je suis, là. Je sais pas trop. Sur ça, c'était l'épisode 6 de La Jazette. Mon nom est Jean-François Crompe. David Thibodeau. Salut tout le monde. Bonne journée.